Cet épisode de Rétro Nouveau est une production Young Media et une présentation de RZO. Cet épisode est une présentation de la microbrasserie Riverbend. Riverbend, brasseur d'histoire. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 118e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien les gars? Ben ouais! Oui. Oh, yeah. Yes sir, je suis avec... Dominique Bourret, papa cassette, influenceur. Web influenceur. Tu vas parler de quoi à soir? Premièrement, je vais attirer l'attention des gens sur ces merveilleuses Lay's BLT. Eh oui, format familial. On a appris ce soir que Dieu existe. Ces chips-là goûtent exactement les toasts, la mayonnaise, le bacon, la salade. C'est incroyable. C'est pareil. Je savais pas que ça se pouvait. C'est surprenant. Ça accroche de même. Donc, on mange ça, on a deux sacs. Steve. La fait vie te surprend toujours. Hey, eh ouais. C'est pour ça que je me suicide pas, moi. Pour des affaires de même. Puis à part ça, je vais parler de Castlevania. Pas la famille, pas les enfants, non, les chips BLT. Ah, j'ai rien à battre de tout ça. Moi, du moment que ma chip, elle goûte ce qu'elle devrait goûter, là. Je suis en bateau, là, tu sais. Beau segway. Imagine le jour qu'on pogne des chips horribles, là, ça va être fou. C'est ça, hey, ben. Mind blown. Une fait minute en onde, Joe, de suicide. Dans la première minute, là. Castlevania Adventure au Game Boy, en ce qui me concerne, messieurs. All right. Yes. Alors, Fred Jemus, qui ce soir parle de la Xbox One X. Oh! Non, qui brûle en bouche. On va faire taire nos détracteurs. C'est ça. On va parler de Xbox. On parle d'Xbox aussi. Eh oui, all right. Puis toi, GF? GF Comp, ce soir, je commente un jeu qui a présentement 0.8 sur 10 sur Metacritic. Star Wars Battlefront 2. 0.8. Ouais. Le monde sont pas contents qu'on t'y est. On en parlera tout à l'heure. Si c'est justifié ou pas. Ça va être fascinant, ça. Ça va être fou. Ça va être incroyable. J'ai l'impression qu'on va en raser pas mal. Ouais. Ouais. Et Bruno Georges avec vous autres pour vous parler de Elle est Noire version Nintendo Switch et de Lego Marvel Super Heroes 2. Puis en plus de ça, ce soir, on va boire de la Riverbend en masse. Genre, j'ai déjà rendu à la moitié de ma canne de Berliner Weiss. Aussi, c'est très désaltérant, c'est un petit sour. Ouais, j'aime bien ça, c'est ça que je fais d'habitude. Ah, ça fait passer les chips BLT, très bien. Ouais, c'est vrai, hein? Mariage parfait. Bel accord, mais bien. Oui. Puis aussi, on va avoir deux discussions ce soir pour vous autres. On va avoir une discussion sur les microtransactions. C'est quand même suite à la critique de Star Wars. Puis aussi, on va parler des conventions de jeux vidéo. Oui, il y en a eu une en fin de semaine dernière. Oui. Le méga. Ouais, fait que je suis allé, j'ai vu du monde, puis ça m'a donné le goût d'en parler un peu plus. Ben oui. On a tout de quoi à dire là-dessus, là, de toute façon. Yes. Les festivals. Les festivaux qu'on vous dit. Êtes des les gens. Les ouais. gens qui vont vous dans êtes les des gens. Qui aimait les vacances, qui aimait les festivals. Bonnes vacances, bon festival. Pour ceux qui ne comprennent pas l'inside joke, allez sur YouTube puis tapez Pierre Curzi Sou. C'est pas mal des meilleurs enfants. Curzi était porte-parole d'un festival de la Montérégie. Puis man, il est sou. Ah ouais. C'est tordant. Lui, il buvait. Puis un moment donné, il a fait comme Chris, Pierre, faut te dire de quoi à foule. Ah, fuck. Hold my beer. C'était un beau moment. Deuxième raison pour pas se suicider. En fait. Ouais. Ça, vidéo YouTube. Là. Troisième raison, remercier les Patreons qui ont écouté le pre-show. J'ai même donné un truc pour trouver des Super NES classiques. Si tu veux savoir c'est quoi? C'est réservé Patreon. C'est pire qu'Electronic Arts. C'est ça, fou. Là, je suis comme un genre de revendeur, mais je fais pas une scène. T'sais. Non, c'est ça. On mais autres, on donne. Moi, je donne. En fait, moi, j'attends de l'avoir pour moi, puis après ça, je donne. T'sais. Exact. Ouais. Tu fermes ta gueule avec ça. C'est ça, voilà. On a joué à plein de jeux en plus. C'était vraiment le fun. On découvre des jeux. On a découvert live trois jeux ce soir. Mais on dit pas c'est quoi. C'est vrai, on dira pas les autres. Les gens devraient venir voir. On a une belle librairie Steam qui s'ouvre à nous autres, on a regardé ça. Ah ouais. C'est fantastique. Une belle mine d'or. Puis c'est ça, moi je voulais vous rappeler Rétro Nouveau Solo, ça continue. J'ai fait le troisième épisode la semaine passée et puis j'ai entre autres fait la critique de Pokémon Ultra Moon. Puis c'est un jeu qui était tellement énorme à critiquer, ça avait aucun sens. Fait que c'est bon que je l'ai fait à Rétro Nouveau Solo parce que c'était une grosse critique sérieuse. Juste dire c'était quoi les nouveautés, ça prenait 10 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Grosse critique là-dedans. Puis j'ai aussi parlé de Sonic Forces pour savoir ce que j'en ai pensé. Vous avez juste à télécharger le troisième épisode qui est disponible dès maintenant. des discussions pleines d'affaires. Paris Games Week aussi, que j'ai parlé. Les meilleurs jeux qui ont fait le passage du 2D au 3D. Hey. RetroNouveau.ca. Yes, RetroNouveau.ca. Tu chômes jamais, toi. Voilà. Hein? Tu chômes jamais, Bruno. Non, je chôme vraiment jamais, pour vrai. Incroyable. Mais non, mais c'est le fun. Ah oui. c'est... On voit bien ça. Arrête donc d'être aussi enthousiaste. Ouais, exact. tu brilles dans mauvaise humeur. T'es en train de scraper mon beat de suicide puis le malaise que j'essaie d'instaurer dans le show là, avec ta bonne humeur de marde. La tristesse. Oh boy. Oh. Fait que sur ça, dans le fond, c'est moi qui commence. Fait que, oui, Bruno. Vas-y. Vous avez qui d'abord? On continue dans la bonne humeur avec Elle est noire, un jeu sur la période la plus dépressive des États-Unis. Ce qui est encore plus déprimant, c'est de voir que Jeff a mis la pochette pâle. Grand classique, Young Media. Pâle Switch. Moi, ça, j'ai pas d'image. Pâle mais Switch, que je trouve. C'est wesh. Oh, man. Mais je vais te donner un truc dans la vie. Là, quand tu tapes pour trouver une pochette, là, c'est tout le temps la pâle qui sort en premier et full IRS. J'ai aucune idée pourquoi. C'est vrai, hein? C'est ben, tout parce le temps les Européens sont sur la coche. Hey, mais le vieux pays, man, c'est une bonne affaire. Exact. Ben, c'est tout le temps les pâles qui sortent. Ça fait chier. Ben, écoutons, on fait le tour du monde avec. On va faire, ouais. On va faire avec. On voyage. Je suis désolé, je vais me couper mon salaire un peu là-dessus. Ouais, c'est ça. BLT, t'as plus le droit de manger de chips. Genre, moi, je viens de la All right. Fait que Elle est noire, développée par Team Bondi et Virtuals, publiée par Rockstar Games et disponible sur Switch, PS4, One et PC. On remercie Rockstar pour la copie. Elle est noire, en fait, le jeu original de Elle est noire est sorti en 2011. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps. Wow, ça fait vraiment longtemps. Ouais, ouais, ça fait vraiment longtemps. Puis moi, j'y avais joué. J'avais joué sur PS3. J'avais vu la critique à Monsieur Net. Puis je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. C'est un jeu qui utilisait une nouvelle technologie, en fait, qui était comme une espèce de reconnaissance faciale. Ouais, c'est comme c'est le Ultra ça. Motion HD à ce moment-là, ou un nom du genre. Puis c'était que les visages, je veux dire, il n'y a pas de tu sais, c'est pas des... C'est pas de la 3D comme telle, c'est vraiment comme ça, du face mapping. C'est une texture qui est par-dessus, ce qui fait que les personnages ont l'air très réels. Pour vous situer, en fait, si vous avez jamais joué à Elle est noire, ben Rockstar, premièrement, ben, c'est les gens qui font Grand Theft Auto. C'est ben, quoi ce Grand Theft Auto? La plus reconnue. Okay. C'est un petit jeu. Puis, c'est ça, là-dedans, on est à Los Angeles en 1947. On est au retour de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens savent pas trop comment revenir à la réalité. Puis c'est ça, c'était une époque où le crime était omniprésent. Là-dedans, on incarne Cole Phelps. C'est un ancien Marine à la Seconde Guerre mondiale. Puis il devient policier, puis il veut juste le bien. Il veut juste être le bon cop, puis jouer dans les règles, puis être le bon policier. Puis c'est ça, là-dedans, on a plusieurs sections. Tu sais, tu commences au début, t'es un petit policier bien simple. Après ça, on t'emmène au trafic. Après ça, on t'amène... c'est quoi donc on fait? Patrouilleur, trafic, homicide, vice et arson. Fait que, tu sais, il y a plusieurs séquences, plusieurs grades dans ce jeu-là. Puis au final, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement enquêter sur des crimes. Fait que tu vas arriver sur le site d'un crime, puis tu vas regarder un peu pour des indices. Après ça, tu vas interroger des gens, puis après ça, tu vas peut-être avoir des poursuites en char, tu vas peut-être tirer du monde, pareil comme dans GTA, on pourrait dire. Fait que c'est ça. Mais la grosse affaire là-dedans, c'est l'interrogatoire. Là-dedans, quand on interroge quelqu'un, on va regarder, on va évidemment écouter ce qu'ils ont à nous dire, puis regarder dans nos notes, dans notre carnet pour voir si ça fit, si ça fonctionne. Mais aussi, on va y regarder le visage, on va regarder ses expressions, parce que des fois, ils ont l'air de douter, justement. Ils ont l'air de mentir, littéralement. Tu le vois, ils bougent des yeux d'une façon bizarre, puis... Ouais. C'est louche, mais des fois aussi ils peuvent t'amener sur une fausse piste. Tu penses qu'ils sont en train de mentir parce qu'ils regardent à gauche puis à droite, mais en fait c'est parce qu'ils sont mal à l'aise que tu sois là, puis ils savent pas comment dealer avec la situation. Fait qu'il y a plein de subtilités là-dedans, parce que c'est des acteurs qui ont fait toutes les performances qu'on voit dans ce jeu-là, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est un des jeux qui a coûté le plus cher de l'histoire du jeu, puis c'était un jeu qui était supposé révolutionner le jeu vidéo, en fait. Il n'y a pas eu de jeu vidéo comme ça depuis ce temps-là. Je me rappelle. Le processus de création était assez incroyable, tu sais, puis c'était vraiment le narratif, puis l'expérience avec le visuel, les visages avant le reste. Mais... Ce qui fait que, d'ailleurs, le sandbox là-dedans, la ville de Los Angeles est un peu vide comme on peut voir présentement. T'sais. C'est sûr que c'est un jeu de 2011. Fait que tu sais, ça paraît quand même quand on joue maintenant, on fait comme ah, ok, maintenant, tu sais, il y a pas mal plus de stock qui se passe dans un sandbox, tu sais. Puis il y a des affaires aussi qu'on se rend compte, il y a eu des avancées, comme disons là-dedans, tu as une carte, tu veux te rendre à quelque part, ben là-dedans, tu vois sur ta carte un petit icône, mais tu n'as pas de piste, tu n'as pas rien, tu n'as pas de GPS. Fait que tu sais, il y a des choses qui ont changé avec le temps dans les jeux vidéo, surtout dans les sandbox. Puis ça, on est encore à la même époque, on est encore en 2011. Le jeu, c'est vraiment un port identique. Ouais, c'est ça. Les grandes différences, évidemment, bon, sur Xbox One X, présentement, on voit une comparaison graphique entre la One X puis la Switch. Il y a une différence. Par contre, moi, j'ai joué à la version Switch. Puis sur Switch, en fait, en mode portable, c'est du 720p. Ouais, puis en mode écran, c'est du 1080p. Puis c'est quand même... c'est sûr que la différence graphique, c'est beaucoup plus lisse sur la Xbox One. On le voit tout de suite. Sauf que c'est quand même assez acceptable sur la Switch. La grosse affaire que j'ai remarqué, que j'ai pas aimé, pis ça d'ailleurs, on le voit, là, c'est des gros zoom-ins, mais quand tu le regardes à ton écran, sérieusement, c'est pas si pire que parfait, ça. C'est juste pas une grosse puis les visages fonctionnent super bien. Moi, l'affaire que j'ai trouvé le plus dommage, c'est qu'il y a des drops de frame rate des fois. Des fois, t'es en train de courir, puis tout ralentit pendant un moment, puis ça revient. Aussi, des fois, t'as des textures qui vont popper. Tu sais, comme là, on voit dans le fond de la ville, on voit que les immeubles sont là, puis sont pas tout à fait apparus. Puis des fois aussi, t'arrives à côté d'un immeuble, il est tout blurry, puis là, il apparaît. Fait que c'est pas des choses, c'est pas des game breakers. Ça a pas fait que j'ai je l'ai, ce jeu-là, il est fucké. Ouais. Mais c'est sûr que, bon, t'aurais aimé qu'il améliore ces parties-là. Malgré ça, ce jeu-là, pour tout ce qu'il y a à faire dedans, c'est quand même assez incroyable. Tu sais, il y a énormément, en fait, il y a énormément de dossiers. T'en as environ 26, je pense, en tout. Puis en plus de ça, quand tu roules, tu vas parfois aller sur d'autres cas. Comme, mettons, il y a deux gars qui tiennent quelqu'un en otage pour que tu ailles courir après, pour que tu ailles l'arrêter. C'est quand même bien fait. Le shooting, c'est pas le meilleur shooting dans ce jeu-là, puis c'est pas la vedette dans ce jeu-là. Tu vas vraiment jouer pour le narratif, c'est pas le but non plus. Les interrogatoires, tout ça, c'est vraiment ça qui est écœurant. Puis je te le dis, t'es vraiment captivé par cette histoire-là. Il y a pas eu, je trouve, de jeu aussi bien ficelé, comme dirait Fred, au niveau de l'histoire et de l'interaction avec les gens, parce que quand tu interagis avec un personnage qui est visiblement en 3D, on dirait que t'as pas de feeling, tu sais, même si c'est là, même si c'est bien fait. Ouais. Sur Switch, d'autres changements, c'est que là, ils ont utilisé le contrôle tactile. Fait que tu peux jouer juste avec tes doigts sur l'écran. Ah. Ou tu peux enlever les deux Joy-Con puis contrôler la caméra, contrôler certains mouvements avec les Joy-Con. Tu peux aussi, justement, avec l'écran tactile, t'approcher d'une preuve ou des trucs comme ça. C'est bien, mais c'est pas incroyable. Le gros feature de la Switch qui est intéressant par rapport aux deux autres, c'est que tu peux jouer n'importe où. Exactement. Puis ça fonctionne assez bien. Moi, j'ai joué dans une étable. Oh, j'ai joué J'ai joué au cours d'équitation à ma fille. J'ai joué au karaté de mon gars. Puis tu sais, j'étais comme... C'est donc bien génial. Fuck le progrès de tes enfants. Le progrès de ta game avant tout. Mais tu sais, à un moment donné, quand t'es beau faire des tours en rond, là, t'es comme, bon, hein, tu sais, j'ai beau l'encourager, il n'y a plus rien que je peux faire. Exact. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'était vraiment le fun de pouvoir jouer à ça de façon portable. C'était un peu comme le premier sandbox, on pourrait dire, du genre sur la Switch. Ouais. Puis il se porte bien, il est beau, il fonctionne bien. C'est un jeu qui est très bon, mais évidemment, c'est ça. C'est la version Switch, fait que tu sais, c'est pas la version la plus optimale graphiquement, mais moi, considérant que c'est un jeu de 2011, j'avoue que je m'attendais pas à grand-chose. Puis j'ai vraiment été comblé parce que tous les dialogues sont là, tous les DLC sont là. T'sais, c'est une édition totalement complète. Puis les fois où il y a eu des ralentis, ça m'a dérangé, mais pas tant. C'est genre, c'est une affaire de... Genre, pendant quelques frames, ça a ralenti un peu, mais ça n'a pas changé le jeu comme tel. Ça n'a pas changé les poursuites ni les trucs comme ça. Mais il me semble que quand c'est sorti, ce jeu-là, il y avait eu une certaine déception un peu, non? Oui, ça n'a pas été porté à haute bras. « Yeah! C'est la meilleure affaire qu'on a jamais vue au monde. » Non, c'est ça. Ça n'a pas levé. Ça n'a pas levé, ce jeu-là. Ça a été un échec commercial. Ouais. Puis c'est par après, les gamers ont joué, puis ils ont fait comme « Chris, c'est bon, ce jeu-là. Ben, » Mais il était trop tard. Ouais. Pis c'est ça qui est arrivé, c'est les critiques qui ont vraiment fait, qui ont fait comme « Ah, il est bien, mais c'est pas GTA. » Ouais, la ben ville n'est pas aussi vivante. Tout le monde l'a ramassé pour le côté sandbox. Ouais. Mais c'est pas ça la force de ce jeu-là. Ouais. C'est pas pour ça que tu y joues. Fait que tu sais, c'est sûr que si tu joues à ça en cherchant un GTA clone, c'est pas ça. C'est exact. Vraiment, vraiment pas ça. Pis je pense peut-être que Team Bundy puis Rockstar ont pas fait le marketing en conséquence en 2011, tu sais. Ben, c'est surtout qu'ils faisaient le marketing pour justement être sûr que tout le monde l'achète. C'est aussi, ça, exact. Que les gens soient comme « Ah, ça va être un GTA », mais tu sais... Mais je pense que c'est ça, le succès de GTA était tellement énorme, c'était tellement ça qui propulsait Rockstar que les gens, il y avait juste GTA en tête, puis il y avait peut-être pas ça encore, puis... Tu sais, c'est même un jeu, le premier jeu à avoir été admis, je pense, au festival de Tribeca, qui a été admis à un festival de films. Tu sais, c'est pas rien, tu sais. Okay. Puis ils ont fait des conférences, puis c'était comme, tu sais, on va changer la façon, tout ça. C'était malade, là, sérieux. C'était vraiment un gros changement. Fait que c'est quand même un excellent jeu. Puis moi, j'y joue encore, puis j'ai vraiment hâte de retourner y jouer. Et pour toutes ces raisons, je lui donne un 8 sur 10. C'est un achat sérieux pour si vous avez une Switch, vous allez avoir vraiment, vraiment du fun à ce jeu-là. Puis la pochette est magnifique. La pochette est écœurante. Surtout la version pâle est écœurante. Ouais. C'est la version pâle qui tient tout le branding. Ouais, all right, fait que take it away, Dom. Fait que j'ai mis mon chandail Castlevania pour enchaîner avec Castlevania The Adventure que j'ai amené ici en copie complète. Oh, la boîte. Une belle boîte là au coin pointu là, c'est pas ballonné nulle part sur les côtés. Si, c'est propre. Puis j'ai tout le temps adoré cette pochette là. Je la trouve, je trouve que c'est une des pochettes badass de Castlevania. Ça c'est du bon carton. Ouais. Ça, c'est du beau carton, ça, mon ami. Puis je suis fier de toi, Jeff. C'est comme la pochette pas pâle en direct. Donc, c'est bien. Des fois, je fais bien ma job. Ça arrive. C'est correct. Là, c'est correct. Faut Google Light un peu. Je pense que c'est ça. Fait que c'est sorti en 1989, ça. Et assez près, me semble, du launch de la Game Boy. C'est pas un launch title, je pense, mais ça devait être crissement proche. C'est un parce des que premiers. Je me souviens que c'était là au début. Et puis, on incarne Christopher Belmont, qui est un ancêtre de Simon. Donc, ça se passe avant Castlevania. Ceux-là au Game Boy se passent tous là, avant les Castlevania. D'ailleurs, Legends, le troisième, c'est Sonia Belmont qui est dedans. Sonia tient un bébé, puis le bébé, c'est Simon. Donc, on est en mesure de penser Christopher, puis... Ah, puis c'est la première Belmont. OK. C'est vrai. Fait que là, attends, ça fuck les affaires. Fait que Christopher, puis Soleilieu dans le deuxième. Écoute, mon gars, l'histoire de Castlevania, là... Ouais. Alors, c'est fucky. Fait qu'il y a 4 niveaux là-dedans, donc pas un jeu si long, mais les niveaux sont quand même, eux, très longs. Ils sont assez longs, quand même. Ouais, ils sont assez longs. Et puis, c'est un jeu qui va lentement. Ouais, c'est lent, le personnage, il y a des ralentissements tout le temps. Tu sais, regardez, là, présentement. C'est slow. Ben là, c'est dur qu'il y a un gros tabarnak de mur de pic qui arrive. Là, ça prend pas mal de... C'est pas mal de processeur, là. C'est ça, le GPU, sur la One X, ça n'aurait jamais fait ça. Il y a pas assez de tetraflops pour ça, là. Mais c'est ça, tu sais, au niveau du look, c'est bien. Mais ça manque un peu de paysage, tu sais, dans le background, là, je te dirais. Il y a des niveaux moins blancs. Ouais, c'est très blanc, tu sais. Il y a des niveaux moins pires que d'autres, là. Comme tu dis aussi, c'est dans les premiers titres exact. Du Game Boy. Ça savait pas trop quoi faire. En noir et vert, dans ce temps-là, c'était parfait qu'on voit le bonhomme. Ouais, parce que là, on le voit en blanc, mais je veux dire, le fond de ton écran, il est vert présentement, puis t'essaies de trouver de la lumière, là. Ouais, non, c'est ça. Exact. Moi, je l'avais quand j'étais kid, puis je rushais quand même, là, puis c'était le fun qu'on voit pas trop d'affaires en arrière. Ouais, non, c'est ça. Mais si je peux ranker les trois Castlevania, le 2, au niveau du background, là, le 2, il y a plein d'affaires dans le background. Ouais. Tous les backgrounds, c'est jamais blanc comme ça. Dans le troisième, il y en a un petit peu. Il me semble que c'est pâle. C'est quand même troisième. Très vite dans le troisième. On dirait qu'ils sont revenus en arrière dans le temps du premier. T'sais. Fait que c'est très brouillon. Par contre, c'est ça. Dans les Castlevania au Game Boy, les deux premiers, il faut savoir qu'il y a... Non, juste dans lui, excusez, il n'y a pas de sub-weapon. Donc, tu as juste ton fouet. That's it. Et puis, tu pognes des power-ups de fouette. Donc, tu commences avec ta soie dentaire. Après ça, t'as la chaîne. Puis après ça, t'as la chaîne qui lance une boule. C'est le seul Castlevania, il me semble, à mon souvenir, qui a un projectile au niveau du fouet, du Vampire Killer. Ouais. Et puis, par contre, quand tu te fais toucher, tu downgrade d'une coche. T'sais. OK. Fait que tu vas faire pas mal ce jeu-là à la soie dentaire, là, moi te dire. Ouais. Et, à moins de le connaître comme faux, là. Puis elle est pas longue, la soie dentaire. T'sais, c'est assez fâche. Hein? Fait que je sais pas pourquoi ils en ont pas mis des sub-weapons. C'est un peu dommage. Là, t'sais. Ben, dans le 2, ils en ont mis, mais il y en a deux. Il y a l'eau bénite et la hache. Dans le 3, je me rappelle plus. Il doit en avoir un plus. Fait qu'ils savaient pas trop comment utiliser la force là, dans ce temps-là. Mais là, tu vois, il y a un peu de background. Là. Déjà, il y a des sections, ouais, c'est pas mieux. Trop pire. Et puis. Pardon. C'est ça. Ce qui est dur aussi, ben, c'est Castlevania normal, là, c'est que quand t'as plus de vie, tu recommences au début complètement du niveau. Et puis quand t'es pas habitué, tu vas trouver ça vraiment chiant, là, tu sais. Mais c'est des niveaux qui s'apprennent. C'est du Castlevania, là, tu sais. Le dernier niveau, je l'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant de catcher tous les patterns. Ouais. Parce que je crevais, tu sais. Puis bien sûr, il y avait ça de différent dans celui-là. Les Castlevania, quand tu meurs à Dracula, ils te font recommencer à Dracula, même quand tu prends un continu. Okay. Tu sais, genre devant l'escalier de la fin. Ouais, c'est ça que tu montes, là, un tu recommences là tout le temps jusqu'à ce que tu butes Dracula. Okay. Mais dans celui-là, ils te recommencent au début du niveau complet de Dracula. Fait que c'est bien chiant. Puis la deuxième forme de Dracula, ça m'a quand même pris du temps avant de catcher le pattern, là. Donc, je l'ai fait en tabarnak, ce niveau-là, m'a te le dire, là. Et puis, ce qu'il y a de différent aussi dans les Castlevania au Game Boy, c'est que tu as un système de cordes que tu escalades pour monter dans les niveaux à la verticale. Il n'y a pas d'escalier. Ouais, il n'y a pas d'escalier. Genre, on dirait que c'est comme pour sauver de la largeur, tu sais. Ouais. Fait que tu montes en ligne droite au lieu de monter en diagonale, dans le fond, ça fait des niveaux moins larges. Fait que ça fonctionne comme ça, c'est très bien. Ce qu'il y a dans Castlevania 2 qui ont amélioré, je vais parler du 2 par rapport au 1 dans des mécaniques, les cordes, tu peux peser sur le bouton de jump, je pense, puis par en bas, puis ton personnage, il va glisser comme un pompier super rapidement de la corde. Mais dans le premier, il avait pas pensé à faire ça. Fait que c'est long, c'est descendre des os. C'est tellement long à regarder. Regardes le bonhomme, puis il prend son temps. Ce qui est chiant, c'est que des fois, ton bonhomme marche lentement, mais les projectiles vont vite, comme d'habitude. Les projectiles vont très vite, les plaques vont très vite. Donc souvent, c'est pas juste. Non, c'est ça. Les genres de mains qui crachent une balle, là, qui rebondissent ses murs, ces balles-là vont tellement vite, là. Tu peux pas te revirer. Il faut que ça soit du par cœur. Tu dis, OK, quand il attire à terre, quand j'arrive, elle va arriver là. Ou s'il attire dans les airs, quand j'arrive, elle va arriver à cette place-là, à place. Puis là, tu positionnes Christopher en conséquence. Donc, ça pardonne pas du tout. Le jump, il est vraiment tricky. Puis Chris, il exploite cette faille-là dans le jeu. Tu sais, comme, faut que tu sautes d'une plateforme, mais il faut pas que tu sautes à peu près là, du milieu de ta plateforme vers l'autre. Faut que le talon de ton pied arrière soit la dernière chose qui touche la plateforme, ton pied avant soit dans le vide pour être capable de pogner la prochaine plateforme. Donc ça, tu sais, ils ont comme misé là-dessus à bien des places. Oui. C'est vraiment pas cool du tout, du tout, du tout. Il y a une section du dernier niveau aussi où est-ce qu'il y a des pics de chaque côté. Puis ça, le pic, il se détache, puis il fonce vers toi, puis ça fait une plateforme. Fait faut que tu sautes. Puis là, il va passer en dessous de toi, tu atterris dessus. T'sais, c'est dur à expliquer. Là. Mais tu l'as pas mal fait, là. C'est ça. Ceux-là qui regardent, ils comprendront. Et puis, dans le 2, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un petit clignotant. Genre, avant que le pic sorte, ça clignote un peu à côté du pic. Puis là, il sort. Fait que là, t'es comme... Ça améliore un peu tes chances, d'avoir du plaisir. Mais dans celui-là, ils ont pas mis rien de tout fuck ça. Le plaisir. Ils ont pas pensé à ça. Là, T'es à job. Là. Faut que tu fasses avec, là. C'est rough. C'est vraiment qu'ils testaient pas les jeux, des fois. Exact. Celle-là, je veux dire, ben, c'était trop rough à jouer. En fait, je pense que le problème, c'est qu'ils playtestaient pas les jeux. Dans le sens qu'eux, ils étaient capables de le faire. Fait que c'est correct. Ils connaissaient le jeu par cœur. Ils l'ont construit, le jeu, c'est ça. Ils l'ont pas fait jouer à personne. Ah, c'est quoi le but de faire aller un personnage plus lent que tous tes projectiles? Il y aurait des Game Boy qui se seraient fait garrocher, c'est clair. Ce jeu-là, moi, je trouve que c'est un des Castlevania les plus durs. Là, pour un non-initié, même pour un initié. Moi, j'ai jamais fini. Je l'avais quand j'étais kid, puis c'était comme continuellement essaye. Quand j'étais kid, je l'ai jamais fini. Puis j'ai réessayé en 2010 et puis j'avais laissé ma Game Boy Advance branchée, ouverte pendant une semaine sur pause pour essayer de grinder le dernier niveau pour réussir à battre Dracula. Puis j'ai finalement réussi. Okay. Puis là, je me suis dit, là, j'étais encore meilleur. Je suis sûr que je performerai encore plus. Je sais pas, je m'améliore avec le temps. Puis j'ai comme batté les trois premiers niveaux faciles. Puis le dernier niveau, c'est ça, j'ai rushé. Mais j'ai pas rushé, genre, sur le bord de fermer tout ça. Je me suis dit, non, j'y arrive. Mais tu venais de faire Bad and Rad en plus. Exact. Okay. Fait que j'avais déjà accumulé pas mal de pouvoir. Non, mais il y a des jeux de même de NES ou de Game Boy. T'es comme, hostie, man, je pense pas, je vais jamais réussir à faire ça. Puis t'abandonnes. Mais celui-là, je le savais. Là. Je voyais la lumière au loin. Fait que j'y suis parvenu. Non, puis t'as ton fichier Excel, toi, en plus, à remplir. Exactement. Là. C'est comme, non, là, faut que je remplisse cette carte. C'est comme tes taxes. Hein? C'est comme tes taxes, faut que t'effaces. Fait que c'est un jeu qui est pas cher. Et puis, je recommande aux fans de l'essayer. Une copie, c'est quoi, 10$, loose. Donc, c'est pas, vous allez pas vous ruiner avec ça. Et puis, très beau. Il est beau. La musique est excellente. Il est tough, il est slow, fait que ça va vous gosser. Mais overall, c'est un Castlevania bien difficile, puis les hardcore vont aimer ça, essayer de le faire. Donc, pour toutes ces raisons, je donne un 6.5 sur 10. Je me suis dit, avant de venir, je vais pas vérifier, rien que pour continuer le gag du gars qui se souvient jamais de sa note. Je vais en faire un trademark. Excellent. Ça marche. Donc, 6.5, c'est une des notes les plus basses que j'ai données à Rétro Nouveau. Ouais, c'est vrai. Hein, du moins, cette année. C'est mais, rare. Proche du 7, là, mais non, ça va faire chier le monde, ce jeu-là, pareil. Non, ouais. C'est pas accessible tant que ça. C'est alors, vraiment pas le plus fun des Castlevania. Non. Ça brise des familles. C'est un test, là. C'est un moi, gros c'est test. La vitesse me fait toujours capoter. Là, ouais. Dans la vie, moi, je suis quelqu'un que quand je m'en vais quelque part, je marche vite. Ouais. Là, lui, il s'en va dessus de Dracula, mais il est comme... Hey. Moi, je paye à l'heure. Mais aussi, j'ai joué sur un Super Game Boy, puis on me dit que le Super Game Boy accélère le jeu de Game Boy. Ah, ouais. De quelques microsecondes. Là. Ouais, mais là, ça va accélérer projectile aussi. Fait. Ouais, non, mais c'est ça. Mais moi, personnellement, je sais pas. Là, mais s'il était encore plus slow que ça, tu sais, en jouant sur un écran dans lequel tu vois rien dans le temps, l'expérience est pas mal meilleure sur un Super Game Boy là, quand même. Donc, ça doit être pour ça que j'ai apprécié un petit peu plus. Alors voilà. Cool. Jeff. Jean-François. Bon, c'est à moi, là. Ben oui, allez, vas-y, là, avec ta grosse cassette. Fait que ce soir, je vais parler avec Fred de Star Wars Battlefront 2, parce que Fred a joué aussi sur une Xbox One, moi sur un PC. Donc, développé par EA DICE et publié par l'Axe du Mal, Electronic Arts, selon certains, disponible sur PS4, Xbox One et PC. J'ai joué sur un PC, comme je disais, Fred, sur une Xbox One. Puis avant de commencer, je veux dire un disclaimer. Là, il y a une grosse controverse en ce moment avec les loot box au niveau de ce jeu-là. Ils ont comme coupé les microtransactions, fait que je vais l'aborder, mais pas trop. On va en parler en discussion après la critique. Je veux vraiment vous donner le plus d'infos possible pour que le monde puisse se faire une tête, une idée. Est-ce que le jeu vaut la peine d'être acheté ou pas? Donc c'est ça, fait que je vais partir le gameplay puis je vais vous en parler immédiatement. Donc, Star Wars Battlefront 2, la suite du premier évidemment. Le jeu comporte trois modes de base, campagne, multiplayer et arcade. Ce qu'on voit en ce moment à l'écran, c'est la campagne, donc on va jouer le rôle de Aiden Versio, commandante du Inferno Squad, une unité spéciale qui a été formée par son père, l'amiral Garrick Versio, à la suite de la destruction de la Death Star. Des bons ou des méchants, eux autres? C'est des méchants. C'est des méchants, c'est l'Empire. Ah, c'est ça. Donc, le jeu se situe entre le 6e et le 7e film, tout de suite après l'explosion de la 2e Death Star dans Return of the Jedi. Puis après la mort de l'Empereur et la destruction de la 2e Death Star, dans le fond, ben Aiden va décider, comme dans tout bon film de Star Wars, de se rebeller contre l'Empire et d'aller aider l'Alliance. Dans le fond, à... C'est un petit turncoat, man, qui va direct quand tout le monde est mort. Ah, finalement, je vous aime, vous autres, l'Alliance. Ouais, pick a winning side, on dit. Elle a ses raisons, mais j'embarquais pas trop dans l'histoire parce que, bon, c'est ça. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on va jouer les deux côtés. On va jouer un peu l'Empire, on va jouer aussi l'Alliance. Fait que ça donne une belle variété dans le gameplay. Les fans finis Star Wars vont vraiment adorer l'histoire, je pense, parce que c'est deep cut, les références là-dedans. Ouais. Ils vont chercher des affaires qui sont dans les BD, dans les animés, dans les livres. Là, nice. C'est comme un ultimate fanfiction. C'est ça. Moi, je suis pas un immense fan de Star Wars. Je suis un enthousiaste de Star Wars, mettons, mais je connais pas assez. Fait que j'ai comme pas pogné les références du tout, mais j'ai écouté une vidéo d'un gars, 20 minutes, puis il plug toutes les références de où est-ce que ça vient, tel vaisseau, puis telle affaire, puis... Moi, j'avais lu la BD Shattered Empires, qui est comme la BD de Marvel qui faisait le pont vers le prochain film. Oui. Puis tu joues des set pieces de cette BD-là dedans. Là. Fait que c'est intéressant. Tu sais, il y a du name-dropping aussi qui se fait et tout. Là. C'est ça. Puis le jeu est canon aussi dans l'histoire, dans l'univers Star Wars. Donc, l'histoire de jeu-là fait partie de la grande famille de Star Wars. Je sais pas si vous vous souvenez dans le trailer de Star Wars 7, on voit un gros Star Destroyer dans le sable péter. Ouais. Bon, maintenant, celui-là, on va jouer dessus à un moment donné. Okay. Fait que l'histoire se mêle un peu comme ça. Est-ce que j'aime ça? C'est cool, ça. L'actrice qui joue Aiden Versio, qui est Janina Gavankar, est super bonne, je trouvais. Ouais. Son delivery est très bon, ses émotions sont excellentes. Ça passe très bien. Le dernier tiers du jeu est vraiment bon. Ça prend une solide coche à un moment donné, là. Puis on va passer dans des missions, on va à la fin, là, comme de mission dans l'espace, t'atterris, tu sors, tu gagnes du monde, tu reviens dans le vaisseau, tu remontes dans l'espace. Fait... Oh shit, c'est ça, c'est exactement en fait ce que tu t'attends de la franchise, ouais, que tu joues. Fait que c'est... Puis tu sais, la première mission du jeu, t'es comme dans des couloirs, dans un vaisseau à tirer les affaires. Ouais. Fait que tu sais, t'es comme ah, tu sais, tu passes vraiment de ah à ok, c'est ça, tu sais. Ah ouais. La fantaisie est là. Tu sais, les portes blanches avec les lumières là, que tu vois dans tous les films, t'es dedans, t'es comme ah, c'est malade, c'est très cool là. Fait que, ouais, le jeu est canon. Le plus gros point positif, je pense, de ce jeu-là, c'est d'être Star Wars. Ouais. Enlève Star Wars, enlève les personnages, enlève les sound effects de Star Wars, parce que DICE ont eu accès à tous les sound effects originales de Star Wars. Ah, enlève ça. Ça donne un FPS très, très, très moyen. Il n'y a pas grand chose de spectaculaire là-dedans. Il n'y a pas de cover system. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation en tant que telle. Ouais. Mais le fait que c'est Star Wars, pour moi, ça joue pour beaucoup pour l'appréciation du jeu. La campagne, elle dure combien de temps? La campagne dure environ 5 heures. OK. Ah, c'est pas long. Non, c'est vraiment pas long. C'est pas le but du jeu, ben. Je me demandais si j'en voulais plus, en fait, à la fin. Puis je suis pas certain. Je pense que c'est assez parce que c'est une introduction pas mal au complet, map. Ouais. Puis l'histoire était bonne, c'est comme un long film de Star Wars. Ouais. Après ça, j'étais prêt à aller jouer en ligne. Okay. Mais en fait, vers la fin, ça devenait intéressant. Ça devenait vraiment plus intéressant la campagne que, je te dirais, le début. Au début, maintenant, j'ai fait une pause parce que j'étais comme bon. On va faire du multijoueur, ça va être plus excitant. Mais c'est vrai que vers la fin, ça lève bien plus. Il y a quelque chose qui m'a dérangé dans la façon qui compte l'histoire, en fait. C'est qu'eux autres, dans le fond, tu vas jouer Aiden Versio, mais entre les chapitres, des fois, tu vas avoir des sous-chapitres qui vont être des caméos de héros. Fait que, mettons, Luke est là, Anne est là. Là, tu vas jouer ces personnages-là, mais ce que ça fait, ça, c'est que ça te débarque de suivre l'histoire de Aiden. Fait que tu t'attaches beaucoup moins à elle. Puis il arrive des affaires à Aiden, puis t'es un peu moins impacté émotionnellement parce que tu l'as pas suivi tout le long. Ouais. Mais ça reste dans la même timeline. Fait que pendant qu'elle fait quelque chose, on est oups, tu deviens Léa, tu fais quelque chose d'autre pendant une mission, tu vas revenir à elle. J'aurais aimé ça que ça construise un peu plus autour d'elle, puis qu'on voit un peu plus son backstory peut-être. Ouais. Puis, mais bon. Parce que j'imagine, pendant que t'es pas elle, elle fait des affaires importantes. Là. Ouais, elle pas rien que Warface. C'est ça, elle fait autre chose ailleurs. Là. Sinon, j'ai eu des bugs visuels, moi, pendant les animations. Je trouve ça un peu inacceptable d'avoir des glitches graphiques dans une animation pré-rendue. En fait, je sais pas si c'est pré-rendu parce que. Ça dépend desquels. Sûr que t'es dans les vaisseaux, mais ben, pas dans les vaisseaux, mais dans un Star Destroyer, puis tu parles avec ton père, ben, à un moment donné, ça. Je pense que ceux qui sont pré-rendus, c'est sûr que tu vas pas directement faire du gameplay par après. Ouais. C'est ceux-là que j'avais des glitches visuels. Des fois, je voyais des scanlines qui passaient où ça freezait un petit peu. M'a pas tant dérangé, mais je trouvais ça bizarre pour un jeu de ce qualité-là. Parce que dans le gameplay, j'ai eu aucun problème vraiment. Là. Okay. Ouais, c'est vrai ça. Côté stabilité, performance. C'est très, très stable. Sur Xbox One X, en 4K, c'était. Sur ma GeForce 1080, ça allait très bien aussi. Ma GTX, là, je l'ai streamé en 60 FPS, puis j'ai pas eu une drop de frame jamais. Okay. Là, fait que. Non, ça va très bien. Des gros chiffres à Rétro Nouveau, des gros chiffres. Des gros chiffres. Ouais, c'est ça que je suis en train de me dire. Mais là, tu nous as perdu, mon gars. Ouais, je suis pas comme l'un. Je parle de Game Boy, Steve. Là. Si vous êtes un fan seulement de l'histoire, j'achèterai pas le jeu à plein prix. Ça vaut pas la peine pour 5 heures de payer 80$. Ouais. Faut vraiment être un fan du mode multijoueur. Là, on va embarquer là-dedans, dans le fond. C'est les. Allez, louer, Steve. C'est les Star Card, en fait. Je vais vous l'expliquer pour vous expliquer un peu la suite, dans le fond, du multiplayer. En multi, on peut choisir plusieurs classes de personnages, de véhicules ou de vaisseaux, puis des héros. Fait que, si t'arrives en ligne, tu peux jouer soit 4 classes de personnages ou 3 types de vaisseaux, puis en ramassant des points dans les parties en ligne, tu peux après ça, dans la même game, aller chercher un héros ou un vaisseau spécial, mettons. Donc, chaque personnage, chaque vaisseau et chaque héros peut avoir jusqu'à 3 habiletés spéciales qui appellent les Star Cards. Donc, ces Star Cards-là, ce que ça va nous donner, c'est soit des habiletés, soit de l'équipement spécial. On peut obtenir ces Star Cards-là de deux façons, soit avec des loot box, qui est la grosse plainte en ce moment, ou avec du crafting, qui est la fois la moins claire probablement de l'histoire du jeu vidéo. C'est pas clair. C'est compliqué, là. Faut que tu aies dans le menu collection, d'un bonhomme, dans les cartes, tu peux crafter. En tout cas, c'est vraiment comme un genre de vrai bordel là-dedans. Là. Tu peux gérer tes Star Cards, par contre, in-game. Fait que ça, c'est bien quand tu as beaucoup de Star Cards, ça peut changer ta stratégie. Fait que, mettons, tu te dis, ben. Moi, j'ai des grenades qui sont lançables, mais j'en veux une que je peux déclencher avec un piton, mais tu peux changer ton power-up pour avoir ça. Ça va changer la façon que tu joues. J'ai pas trouvé que les Star Cards te donnent un si grand avantage. Tu deviens pas... Non, en fait, pas un avantage que tu deviens genre invincible. C'est un avantage stratégique. Mais ça dépend. Mais il y en a qui vont te booster, mettons, on va prendre moins de temps à reloader, va donner plus d'énergie. Fait que ça va impacter jusqu'à un certain point le jeu. Moi, par contre, j'ai pas tant senti la différence en jouant online contre d'autres. Je me suis jamais ramassé tout le temps dans le bas, mettons, malgré qu'il y avait du monde dans ma game qui était vraiment fort. Je sais pas si c'est juste moi. Moi, j'ai remarqué des différences parce que t'as vraiment des cartes qui mettons, qui changent qui augmentent la grosseur d'effet de tes grenades, plus d'énergie, pouvoir tirer plus de... Puis tu sais, des fois, quand tu tombes dans une game pis t'as comme quelqu'un qui a 3 cartes... Ouais, ça paraît. Tu sais, parce que... Moi, j'ai acheté l'édition du jeu qui sortait 4 jours avant, comme un cave. Puis... fait que tu sais, dans ce temps-là, il y avait des microtransactions, puis j'en ai vu une couple passer là, avec des bonhommes hyper gearés, puis tu vois, tu sens une différence quand même. Il y a un impact qui est gameplay, puis c'est sûr que... Mais je pense qu'en fait, c'est, moi, je joue beaucoup en mode vaisseau online. Ouais, je pense vaisseau, qu'en vaisseau, peu, ça a moins d'impact qu'en FPS, comme on voit en ce moment. Mais t'as moins de monde aussi un peu, fait que t'as moins de chances de peut-être, tomber sur peut-être. Des... Peut-être. Il y a trois types d'items qu'on peut ramasser en jouant online et en mode arcade. Donc, des crédits qui permettent d'acheter des héros et puis des loot box, des genres de diamants qui sont les microtransactions qui en ce moment ne sont pas disponibles. Et puis, tu as des pièces que tu peux ramasser également pour le crafting. Il y a certaines Star Cards qui vont demander d'avoir certains niveaux de progression avant de pouvoir les acheter. Ouais. Puis, une fois que tu as acheté des Star Cards, si tes équipes et tu joues avec, les niveaux de ces Star Cards-là vont se mettre à augmenter. Fait qu'il faut que tu les utilises pour augmenter le niveau. C'est bien, bien complexe tout ça. Il y a comme... Ah, je comprends, fuck all, man. Pourquoi ils ont mis des cartes? Je sais pas. Ben, parce qu'ils ont voulu, je pense, faire que tu puisses changer ta stratégie de jeu, mais c'est la première question. Pourquoi, pas mettre un genre un level up tree ou un affaire de même? Ben, parce que c'était trop logique. T'as des habiletés, puis that's it. Ah, c'est tu level up. C'est... Moi, j'ai jamais vu de quoi d'aussi compliqué pour rien. Ah, moi, c'est des très, cartes très weird, partout. Très weird. On va en parler après des cartes un peu plus. En ce moment, les microtransactions sont désactivées, fait que tu peux pas rien acheter. Moi, j'ai joué environ une dizaine d'heures en ligne, plus la campagne. Fait que j'ai joué peut-être 15 heures, puis j'ai presque tout débarré les héros à date. Ils ont baissé le prix des héros au lancement. Fait que ça, au moins, c'est bien. Là, t'as accès à tout. Ce qui coûte cher après ça, c'est justement de t'acheter des loot box, puis d'essayer de pogner les cartes affaires, que tu veux. Ouais. T'as pas une progression claire de dire je vais jouer un Assault Fighter, puis à un moment donné, je vais me rendre à avoir telle carte. Ouais. En fait, moi, j'ai joué vraiment beaucoup, puis j'ai fini. Écoute, j'ai compris hier comment ça marchait. Okay. Après 20 heures de jeu. C'est qu'en fait, si tu veux vraiment grinder une affaire, c'est qu'au lieu d'acheter des loot box, il faut vraiment que tu craftes des cartes dans une classe qui t'intéresse parce que selon le nombre de cartes et de points sur tes cartes que tu as là, c'est ça qui va monter ton niveau puis te permettre d'en équiper plus et de pouvoir en crafter plus aussi. Ça. Parce qu'évidemment, ça fait du sens ce que j'explique, mais c'est ça qu'il faut faire quand même. Mais c'est tellement complexe pour rien. C'est ça. Pourquoi vous avez fait ça? Moi, j'ai gaspillé plein de trucs de crafting avant de comprendre ça. Puis là, maintenant que je comprends, je suis comme, OK, ben là, dans le fond, j'avais juste à faire ça. Mais là, je peux plus le faire parce que j'en ai plus de crafting. ben, t'as juste à recommencer. C'est ça. Tu peux pas, Dominique, c'est en ligne toutes ces affaires-là. C'est sur les internets. Oui, c'est dans l'info nuagique. Là. Mais c'est comme je disais, moi, date, je suis tout le temps dans le top 5-6, mettons, puis j'ai pas vu tant d'impact. Peut-être que je suis pas rendu assez loin encore, peut-être que je joue plus en vaisseau, fait que ça m'affecte moins. Ouais, c'est ça, les vaisseaux, c'est plus facile. Putain, on va parler des autres modes, dans le fond. Il reste cache dans les vaisseaux. J'aime ça, les vaisseaux. Ouais, mode arcade, ok, ça, c'est des. Tu vas jouer tout seul ou à deux, je pense, sur console, tu peux jouer également. Tu peux jouer en coop, split screen. En coop, split screen. Oh oui, split screen. Ouais, oh, nice. Pas sur PC, par contre. Dans le fond, c'est des missions à trois niveaux. Tu vas avoir un niveau, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Ils vont donner plus de crédit plus t'avances. Par contre, il y a quelque chose de vraiment stupide qu'ils ont fait, c'est qu'après, mettons, 20 minutes que tu joues, ben ils disent reviens dans 8 heures pour avoir plus de crédits. Ouais. Calisse que c'est j'ai vu ça sur internet. Ça c'est vraiment comme niaiseux. Le mobile. Comme un mobile free to play comme que tu pourrais acheter, mais là vu que tu peux plus rien acheter, je sais pas si quand il y avait les microtransactions tu peux acheter pour continuer. Je sais pas, moi j'ai mais j'ai... whatever, t'es en arcade, t'es en pratique, pourquoi tu donnes des crédits anyway là-dedans? Tu l'as déjà payé full mais price ce jeu là. C'est fait là, ton effort de guerre. Ça c'est weird. Fait que ça ils disent que t'attends 8 heures, fait que c'est un peu décevant. L'autre affaire, le mode multiplayer, fait qu'il y a 5 modes de jeu en ligne, je vais passer rapidement. Starfighter Assault, donc le mode vaisseau spatial que tu peux jouer à 24 en même temps, qui a été fait par Criterion, donc la gang derrière Burnout. Ouais. C'est honnêtement le jeu online de vaisseau spatial le plus satisfaisant et le plus tight au niveau des contrôles que j'ai jamais joué. Je ne sais pas si en console avec les manettes c'est mal à jouer ou pas. Non, c'est malade. Ok. Moi, je fais juste ça parce que c'est là-dedans que tu pètes le plus dans le monde. Parce qu'en clavier-souris, ben, ta mère, c'est ta souris. Fait que c'est super, super tight. Puis tu peux rentrer dans les vaisseaux avec ton petit vaisseau puis te promener. C'est le fun au bout. T'as un mode Galactic Assault, un mode que tu peux jouer à 40 personnes, donc du 20 contre 20. Okay. Il y a 11 maps disponibles. C'est un scénario base mode. Donc, t'en as qui vont défendre un point. L'autre, une fois qu'ils rentrent dans une partie du niveau, après ça, ça va aller au niveau 2, mettons. Okay. Avance. Non, faut que tu bloques l'autre. Fait que tu vas avoir une grosse partie d'équipe. Puis t'as 3 modes FPS un peu plus standard. T'as un mode Blast qui est un 10 contre 10. Première équipe qui arrive à 100 kills. T'as le mode Strike qui est un 8 contre 8 avec des objectifs. Puis t'as un mode Hero versus Villain qui était là dans le premier. C'est du 4 contre 4, seulement des héros. Dans des combats assez rapprochés, je dirais. Donc, ça fait le tour du jeu. Pour moi, le jeu, vraiment pas parfait. Le système de progression, c'est louche. C'est tout croche. Je comprends rien. mais j'ai tellement de fun avec le jeu. J'ai pas dépensé une scène. Je considère que je vais pas en dépenser une non plus. J'en ai eu pour mon argent à date. Les Star Cards, comme je disais, me dérangent pas plus qu'il faut. parce que probablement je joue peut-être pas en FPS. Ouais, peut-être que je vais avancer, ils vont me déranger. Peut-être qu'à rendu à moi avoir mis 100 heures, je vais avoir accumulé assez de Star Card. On ne sait pas encore. Ils sont en train de changer ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. D'après moi, ils vont rien faire. Ils vont remettre les microtransactions. Ouais, ça va être non, ça. Ils vont juste attendre que ça se calme. Puis... Le cœur du jeu est comme. Le cœur de la progression est pourri. C'est ça qui est le problème. Ouais. C'est ils ont mis du gameplay là-dedans dans une espèce de système de monétisation qui n'aurait pas dû faire ça. Puis là, ils sont comme pognés dans la main dans l'engrenage bien loin. Moi, j'ai une question précise. Je sais pas si vous jouez à ça, mais jouez-vous à Destiny puis Overwatch aussi? J'ai pas encore commencé. Moi, je joue à Overwatch, Overwatch, il y en a aussi. J'ai joué, mais Overwatch... Parce que, non, mais je me demandais en fait le gunplay. Parce que tout le monde dit Destiny comme dépasse tous les FPS online côté gunplay. Puis je me demande si Battlefront est comme... C'est vraiment pas. Battlefront, le gunplay est spécial. Là, dans le sens où c'est tough. Puis des fois, tu t'attends à ce que le monde meure. Puis il meurt pas tout de suite. C'est un peu différent. Le time to kill est très long. C'est weird. C'est pas pareil. C'est, il est dans une classe à part. C'est pas un Call of Duty ou un Battlefront. Un Battlefield, en fait, que tu vas gunner. Puis ça va être un pour un. Il y a des. Je sais pas comment ça marche, en fait. Là, pourquoi c'est lent, comme ça. C'est lent. Et les bonhommes vont super vite. Puis quand tu commences à tirer sur quelqu'un, il y a tellement de stats, on dirait, qui embarquent en arrière que t'es comme. T'as l'impression que c'est éternel. Il y a plusieurs DLC de prévus. Il y en a un qui sort le 13 décembre, je pense, en prévision de la sortie du film. Ça va être un autre acte de l'histoire, dans le fond. Fait que ça va être un gameplay. Cool. Tous ces DLC-là vont être gratuits. Donc, j'ai bien hâte de voir. C'est un drôle de feeling jouer à ça online. C'est comme ma comparaison que j'aurais à donner. C'est que, mettons, là, t'es super en forme puis tu dis, je m'en vais courir un marathon. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Mais t'as une Christie de roche à ton soulier tout le long que tu cours qui te gosse. T'es comme, mais voyons, qu'est-ce que j'ai qui me fatigue? Puis, mais t'avances, t'as du fun. Puis, voyons, quelque chose qui me tanne, puis c'est clairement le système de Star Card puis le système de progression qui fait que ça fait défaut. Puis, en tout cas, je sais pas si c'est réparable, en fait, parce que la base du jeu est tellement faite là-dessus que... Ouais. Ben, ils sont un peu pris avec ça, puis là, la seule affaire qu'on peut faire, c'est on arrête les microtransactions pour l'instant parce que le monde chiale trop que tu peux faire un pay-to-win puis devenir vraiment fort rapidement. C'est pire. C'est pire parce que, tu sais, tous ceux-là qui ont acheté l'édition de luxe qui sortait 4 jours avant... Ben, eux, ils ont pu en acheter encore plus. Fait que là, déjà qu'ils étaient débalancés parce qu'ils ont 4 jours de grinding. Ouais, quand je suis arrivé, il y avait du monde de 40 heures de jouer, tu sais. Fait que déjà qu'ils ont ça, en plus, ces gens-là, ils ont pu acheter ce qu'ils avaient besoin. Puis puis là, le monde qui arrive ils après. Ils sont fucking invincibles pour toujours, c'est ça va bien des exactement. Fait que c'est pire, finalement, comme mais, solution. Mais bref. Ben, on va les trouver, puis on va les tuer. Ouais, c'est ça. Je vais m'en acheter un Xbox, puis on va faire un bonhomme, puis on va aller les battre, ces parfums-là. Mais bref. Moi, j'ai été satisfait de la campagne. J'ai vraiment du fun online. Le Starfighter Assault, c'est complètement débile. Il y a une mission sur Endor, je pense. Où il y a des débris dans le ciel qui volent. Là. Ah, la mission dans à chaque fois que tu te retournes, tu peux te ramasser dans un débris. C'est complètement débile. Ouais. Ça, là, planète Tetford. On faisait souvent des jokes là, avec justement la réplication online puis la physique et ces affaires-là. Ça, je sais pas comment ils l'ont fait, si on est obligé de scripter le mouvement de chacun de ces débris-là, mais honnêtement... Ça, c'est chapeau, là. Moi, en tant que c'est tombeur, très solide. Les feuilles, tout le monde a parlé des feuilles sans arrêt. Ouais, les feuilles, les oiseaux. L'environnement est vivant, puis tu te sens dans Star Wars au moins. Puis ça, c'est très satisfaisant. T'as l'impression de jouer un film de Star Wars. Fait que ça, c'est vraiment cool. Bon, écoutez, j'espère que je vous ai super bien informé. T'as-tu une note? Ouais, je m'en vais là-dessus. En fait, je voulais informer le monde, puis leur donner assez d'informations pour se faire une tête. Ben mais oui. Moi, pour le fun que j'ai eu et toutes les informations que je vous ai données, je vais lui donner un 7 sur 10. C'est bon, ça. EA, si vous êtes capable de fixer le système de progression des Star Cards, je monte ça à 8.5 facile. Ouais. Mais est-ce que vous êtes capable de le faire? J'en doute. Challenge. Fort. Challenge accepted. Mais allez-y, réglez-moi ça, s'il vous plaît. Ah ouais. Mais bon, faut faire la distinction avec ce qui se passe sur Internet aussi. Le monde qui donne des 0 puis des 1 puis des 0.8. Ah, ouais, du monde sont trop extrêmes. Les Social Justice Warrior, comme je fais ça pour vous jouer. Pour que vous achetez pas. Attends, t'as-tu joué? Je fais ça pour vous autres. C'est quoi que tu t'attends? Je pense que l'appréciation du jeu va dépendre de vos attentes puis du type de joueur que vous êtes puisque vous voulez. Moi, casual, que je range, je fais une coupe de game, je ressors, ça fait amplement mon affaire. Ouais, exact. J'avais joué au bêta, j'étais prêt à leur donner 80$ pour une map online de Starfighter. Ouais. Fait que, moi, j'ai rien à dire, là, mais j'étais vendu un peu d'avance. Calien. Mais bon, il y a quand même des problèmes, puis là, on va en parler des problèmes un peu plus en détail. Ouais, c'est ça. Là, ce qu'on a exactement écrit dans la discussion, ça dit que la controverse sur le pay to win et le système de progression de Battlefront 2. Oh là, vous avez God. Touché quand même au système de progression. On en a parlé un peu, 2. Fait qu'on va continuer là-dessus dans le fond. Ben ouais, mais c'est ça. Continuons là-dessus, puis je vous laisse lancer ça parce que ben vous êtes en fait, plein dedans présent. On va peut-être expliquer le cœur du problème, en fait, de Battlefront 2 parce que on en parlait tout à l'heure. Puis généralement, si on prend un jeu comme Overwatch, qui a aussi un système de loot crate, les loot crates, pour ceux à la maison qui connaissent pas ça, c'est un espèce de système de loterie dans lequel avec la monnaie que tu récoltes dans le jeu, tu peux acheter une boîte dans laquelle il va y avoir des items un peu aléatoires. Okay. Puis dans un jeu comme Overwatch, les items que tu vas récolter sont des items de cosmétiques, si on veut. Tous des items qui sont reliés à l'apparence, des animations que tu débloques pour ton bonhomme, des palettes de couleurs. Fait que ça améliore pas les stats de ton bonhomme. Exactement, parce qu'eux, ils veulent faire un jeu compétitif dans lequel tout le monde passe sur un pied d'égalité, puis c'est un jeu qu'on dit balancé. Ouais. Donc après ça, les gens, ils s'investissent quand même à aller chercher ces affaires-là, parce que quand tu passes 3000 heures à jouer à un jeu, des fois, tu as envie de te différencier des autres et de pouvoir apparaître avec la couleur qui te plaît. Arrive ici Battlefront 2, qui a un peu le même système, en plus d'avoir tout le système de progression hyper complexe qu'on a essayé d'expliquer un peu tout à l'heure. Par contre, eux ont mélangé vraiment la progression et le cosmétique et ils font en sorte que finalement, dans ces boîtes-là, tu peux avoir des cartes au hasard qui vont dire, par exemple, que ton personnage a 10% plus d'énergie, ton vaisseau tourne 30% plus vite que les autres vaisseaux. Donc, te donne vraiment des avantages de gameplay direct. C'est comme pogner Wayne Gretzky recrue dans un paquet de cartes d'hockey. Ouais, sauf que là, c'est comme si tu pigeais, mais tu avais vraiment Wayne Gretzky dans ton équipe de Pee-Wee. C'est ça, c'est ça. Non, ben, je comparais ma collection de cartes de hockey à ta game de Star Wars. Ça aurait marché si t'avais eu gagné les Star Cards en progression sur, mettons, c'est si tu fais juste un Heavy Fighter, puis là, c'est ces cartes à lui qui finissent par se débarrer. Ouais. Là, c'est random complètement là, ce que tu vas pogner. Mais même là. Ah, mais c'est-tu un problème sérieux, ça? Ben, parce que ça va affecter le jeu. T'sais, pour donner un comparatif de ce genre-là, Call of Duty fonctionne un peu sur le même principe. Par contre, Call of Duty, chacune de leurs armes dans le jeu sont toutes balancées pareil, dans le sens que. Ils vont tous, mettons, donner, je sais pas moi, 50 points à leurs armes. Puis selon les armes, selon les attributs qu'ils vont avoir, ces 50 points-là vont être répartis différemment. Un peu comme Donjon Dragon, là, t'as 50 points, tu peux tous les mettre dans exact le charisme si tu veux. Exact. Si tu veux. Ouais. Mais tu le feras pas, tu sais. Le monde, il t'écoute quand tu parles dans c'est le village, ça. Quand t'as beaucoup de charisme. Exactement. Si t'as une face de qui, comme tu mon veux, ancien barbare. C'est ça. Tu peux convaincre. Personne ne veut te voir. Je mettais tout dans la force. Une épée bâtarde dans chaque main. Je faisais Call of Duty, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire que toutes les armes sont un peu sur le même, de même valeur. Puis après ça, tu vas pouvoir débarrer des options spécifiques. Comme tu vas pouvoir décider que, à toi, moi, je vais avoir un réticule, alors que quelqu'un va décider que moi, je préfère avoir, mettons, un double. Deux fois plus de balles dans mes chargeurs. Tu sais, c'est ridicule. C'est deux choses qui sont différentes, mais t'as pas le choix. C'est ridicule, c'est bon. C'est bon, ça. Voilà. J'ai même pas compris le vrai mot, là. Sauf que, ben, c'est ça. Battlefront, eux, en fait, oui, avec les cartes, tu fais des choix, mais il y a des choix qui sont assez évidents. Tu sais, on l'a dit tout à l'heure dans le multijoueur, c'est que t'as, quand tu tires sur quelqu'un, tu sais, le time to kill, avant que combien de balles ça prend, puis le temps que ça prend avant qu'il meurt. Ben, tu peux l'influencer directement, toi, de façon... Tu peux, mettons, faire que ben toi, ton personnage, il a plus d'armure, il a plus de health, il se régénère plus vite et tout. Fait que tu viens mais déjà ça, c'est, débalancer c'est... le jeu à la base. Mais ça, attends, il n'y a pas des ranked battles pour ça? T'sais, je veux dire, ton bonhomme est à un certain niveau, il n'y a pas de ranked battles. T'as un ranking qui monte, mais qui n'affecte pas tant... ton gameplay. En fait, c'est ça. Fait que si toi, mettons ton ranking est 18, il y a un dos de ranking 12 qui peut rentrer dans ta game. T'as un ranking online, puis t'as un ranking de carrière à côté que je comprends pas trop non plus. C'est ça l'affaire. C'est le ranking que t'as avec ton XP que tu ramasses, il impacte juste l'accès que t'as, mettons, à de crafter des upgrades. Puis le crafting sur tes personnages, comme je te dis, c'est relié au nombre de cartes que t'as de débarrer en totalisant la valeur de chacune de ces cartes-là. C'est un vrai bordel. Chaque carte dans le jeu a 4 un peu à avoir, mettons, 4 niveaux, donc 4 points. Donc, ça va de 1 à 4. Puis ça compte le nombre de cartes que tu as, mettons, dans ce bonhomme-là. Tu as 3 cartes à 3 points. Ben ça veut dire que tu as 9 points. Ça fait qu'il vaut 9. Ça fait pas de sens. Parce qu'au final, c'est le nombre d'affaires que tu débarres. Ouais, c'est même mon dos. Dans ma tête, ça fait juste... Ah ouais. Ah, c'est comme le mime de la madame avec les calculs. Dans en gros, ce que ça veut dire, c'est que ce que ça veut dire, en gros, c'est que tu peux passer, mettons, du temps à acheter finalement les crates avec du in-game credit. C'est correct. Comme tu dis, ça se fait. Moi, j'ai débarré Luke Skywalker le premier soir parce que j'étais comme tout le monde chialait, fait que je vais le faire tout de suite. Puis, mais tu sais, profiteur. Quand tu pognes un paquet, ben ça répartit. T'as 3 à 5 items dedans, puis ça se répartit sur 30 affaires différentes. Ouais. Fait que tu sais, tu montes pas vraiment ton bonhomme à la vitesse que tu veux, tu sais. Puis on t'explique pas. Mais pas tes bonhommes en tant que tel. Pas tes classes, pas tes vaisseaux. On t'explique pas ce que je viens de t'expliquer avec les cartes, là, que je t'explique, tu croches, puis tu comprends pas à la maison, de toute façon. Mais on t'explique pas que tu peux crafter des cartes spécifiques pour te faire monter plus vite ces niveaux-là, ouais. Comme je disais tout à l'heure. Puis moi, ça m'a pris du temps à le catcher. Fait que tu sais, à un moment t'as l'impression que tu joues, pis t'es comme Chris, il me semble que je suis stallé. Puis tu sais, le jeu, jamais un moment va dire, hey, by the way, tu sais, ici, mettons que t'as l'air à jouer pas mal ce gars-là. T'as l'air à tourner pas mal autour du pot ici, là, tu sais. Peut-être que tu devrais penser à investir à crafter des cartes. Oh my god. Mais comment il pourrait réparer ça, tu sais? Ben, l'expliquer mieux, ça serait déjà en partant half the battle. Il pourrait pas rendre, mettons, ok, voici un magasin de Star Cards. Sont toutes, là, les 300 cartes sont là. Puis ils ont tous des points dépendamment de qu'est-ce que ça te donne. Puis faut que t'accumules tes points et t'es achètes. Ben, le mieux, ça pourrait être fait de même, mais. Si tu veux y aller straightforward, je pense qu'il faudrait que, littéralement, en jouant une classe, tu débarres des cartes dans cette classe-là. Ce serait plus simple, ce serait plus straightforward. T'sais, moi, je joue telle affaire. Ça enlève l'élément du hasard qui te porte finalement à aller dépenser du cash. Ouais. Dans le store. Okay, j'ai ramassé des points heavy, je vais m'ouvrir un loot crate juste de heavy, mettons. C'est ça. Un truc comme ça, ça aiderait. Mais ben moi, je trouve là en fait que tout ça, ça devrait être comme dans le temps, comme le Game Genie. Moi, j'avais pas d'argent pour m'acheter le Game Genie. Puis je me disais, Chris, j'ai l'argent pour m'acheter le Game Genie. Il m'a le fainé, resté à Magon. Puis... Tu sais, si c'était. Je veux dire, en fait, c'est que si tu pouvais acheter, admettons, l'invisibilité, admettons. Tu sais, admettons, t'es avec ton gars. Tu le débalances en esti, le jeu. Oui, non, je le sais, mais admettons, tu sais, pour du single, admettons, tu sais. De dire, ben, j'achète l'invisibilité ou j'achète ce gun-là qui est pas pantoute dans le jeu, mais que je sais que si je paye 2$, je peux l'avoir. Tu sais, juste des petites transactions, même qui sont claires et précises. Ben, que c'est comme, ça. Tu fais ça. T'as ça, c'est fini, il n'y a rien d'autre après. Ouais. Ben, c'est, moi, c'est toutes les affaires cachées qui me gossent dans les microtransactions. En partant, c'est du hasard aussi. Là. Ouais. C'est un peu comme du gambling. Puis là, tu sais, c'est comme, t'incites le monde. T'sais, dans le fond, c'est pas comme tu payes 1$ pour débarrer la carte. Tu payes 1$ pour avoir une chance de débarrer la carte. Ouais. Mais après ça, tu sais, ben, ah, too bad. T'as payé 1$, t'as payé un autre. Ben, achète-en 5. Je me souviens, il y avait aussi, je joue à un jeu de EA d'ailleurs avec mon gars régulièrement, c'est Plants vs. Zombies. Pas Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2 de Plants vs. Zombies, tu sais. Puis il y a des paquets de cartes là-dedans. Il y a des cartes. Mais là, il y a encore des paquets de cartes. Qu'est-ce qu'il y a chez EA? Les cartes, man. Il y a un déficit à éponger, d'hommes. C'est ça qu'il y a chez EA. Mais c'est le fun parce que la façon que c'est présenté, tu sais, tu vois vraiment un paquet de cartes qui est fermé, tu sais. Puis là, c'est comme, oh, on m'a pogné ces cartes-là. Ben, c'est exactement ça. Qu'est-ce que t'as à l'intérieur? C'est des genres de grosses boîtes en métal qui, comme Kyo, puis des affaires gros sons, gros. Mais ce qui est cool, c'est que là-dedans, les affaires que tu pognes sont clairement indiquées pour qu'un enfant, justement, de 10-12 ans sache exactement à quoi s'attendre. Puis moi, c'est ce genre de transaction-là que je pensais qu'il y aurait dans Battlefront. Je me disais, c'est pas pour les 10-12 ans, ça. Non, je le sais, mais gros je dis, jeu comme ça. Si un kid peut comprendre, ça va être encore mieux pour un adulte. Ouais, en fait. Mais non. Il faut que ça soit compliqué et fait par des gens qui ont des ordinateurs. Keep them confused. Pas fait là, pour du monde qui simplet comme moi là, tu sais. Mais tu sais, après pas que j'en achète. Après, tu sais, je pense que le côté gambling est mal. Maintenant, le côté microtransaction, il est là pour rester. On se le cachera pas là. Ouais, puis c'est correct qu'il soit là, ben franchement. Mais comme tu dis tout à l'heure, après ça, si tu donnes l'option au joueur de mettons tu sais comme dans AC Origins, on donne l'option au joueur mettons d'acheter des armes vraiment folles, tu sais, des armes qui ont rien à voir avec le jeu. Mais tu sais, c'est comme, regarde, si tu veux une expérience colorée, ben tu sais, ça existe. Ouais, mais t'es pas en multi, par exemple. T'es pas en multi. Non. Puis c'est comme... Si le fait que toi, tu payes affecte mon expérience à moi multi, ça me dérange beaucoup. Là. Exactement. Ouais. C'est ça le pay to win, puis c'est ça qui est comme un peu gossant. Mais... Ouais. Parce que moi, j'aime l'idée, admettons, comme, tu sais, admettons, là, tu sais, pour Batman, quand tu pre-order... Non, c'est dans Injustice, quand tu faisais le pre-order, tu pouvais avoir Harley Quinn, admettons, tu sais. Moi, ce genre d'affaires-là, je trouve ça cool. Parce que tout le monde aime ça. What you see is what you get. Puis c'est correct qu'il y ait des affaires que tu peux pas avoir si tu achètes juste la version qui incite les gens à dépenser un peu plus parce que les jeux coûtent plus cher à produire. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'ils fassent le cash quelque part, Christy. Ah non, faut pas ça, que les plus riches soient plus forts. Mais ça, c'est vraiment. T'as vraiment l'impression que c'est le c'est comme l'enfant belliqueux de EA et Disney là, qui s'en vont ensemble. Pis qui... Ah, puis il n'y a pas en plus LucasArts, Lucasfilm puis Disney qui ont chialé à ouais, EA. Mais moi, je pense que Disney les a tapé ses doigts en fait comme crime. Décris, c'est pas Star Wars. Ça, c'est sûr. Ça se peut pas. C'est sûr. Walt Disney est sorti de son frigidaire comme « Mais hosties! » Non, mais moi, je pense que c'est surtout que ce qui est arrivé, c'est que le premier Battlefront a tellement... C'est Walt. Je pense que l'affaire qui est arrivée, c'est que le premier Battlefront avait tellement rapporté d'argent que EA, pas EA, mais Disney ont dû faire comme moi, mais là, les droits. Ouais. C'est comme le montant signé la dernière fois, c'est plus ça. Là. Non, non. Fait que tu sais, je pense que EA, ils sont allés all-in, puis là, EA se sont dit, crime, hey, les gars, la dernière fois, les ventes étaient grosses. Là. Hey, on était supposé de faire des couilles en or. Là, on est comme, on a juste une couille. Comment on peut en avoir une deuxième? Puis tu sais. Ouais. C'était OK, ben on va augmenter le average revenue per user, genre on va le booster à 15$, mettons. Mais là, ils ont pas un peu créé un précédent à EA en plus en... Moi je pense qu'ils ont fait ils ont cédé à la pression populaire du monde sur Reddit qui chialait. Avant que le jeu sorte. Ouais, ça c'est une arme à deux tranchants. Moi je pense que EA c'est comme Anakin. Non, Battlefront c'est Anakin Skywalker. Tu sais, il est arrivé le Battlefront, tout le monde capotait, là, c'était comme ça allait être le jeu qu'il allait faire de tous les jeux, tu sais. Puis quand il arrive, là, dans le fond, c'est Darth Vader, là, c'est du pure evil, là, pis là, tout le monde est dans. Puis à la fin, genre, il sacrifie comme ça, là, puis il ramène la balance dans la force en faisant en sorte qu'il n'y ait plus jamais personne qui va vouloir faire un jeu avec autant de microtransactions. Là. Comme je dis, on vient de franchir on est dans un nouveau paradigme aujourd'hui, les amis. Maintenant, on va essayer de ne plus jamais faire ça. Bref, on vous a donné beaucoup d'infos ce soir sur Battlefront 2. Oui. Maintenant, je pense que chialer, je m'en disais, ça n'a pas d'impact. Là. Clairement, ça en a eu un sur EA. Mais je pense que la meilleure façon de protester, c'est de parler avec votre portefeuille comme toujours. Ouais, si c'est un jeu qui ne vous intéresse pas parce que c'est mal bâti, achetez-le pas. Ouais, exact. C'est tout, moi, c'est juste ça. Vous n'êtes pas obligé de jouer à ça, là, si vous ne voulez pas. Là. Moi, je le dis aux 20 fun. Minutes à peu près dans la vie. Ouais. Des fois, je vais le faire à l'intercom, mais... louer vos jeux, ouais! Hey, tout le monde, louer des jeux. Mais tu sais, pour vrai, là, tu peux louer un jeu. Fait que tu sais, moi, c'est ça que je vais faire avec Battlefront. Je vais le louer. Puis sinon, j'ai comme l'impression qu'à Noël, genre, ils vont le baisser genre à 20$ pendant une semaine. Il baisse vite, ce jeu-là, le parce premier. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Un jour, il va peut-être se ramasser sur EA Access Origin, peut-être. Là, un jour, le premier, genre, pendant 2 mois avant la sortie de Battlefront, le season pass était gratos. C'est comme prenez-le, s'il vous plaît. Ouais. Tu sais, fait que je pense que c'est ça qui va arriver avec le deuxième. Il va y avoir un giga spécial. Là, fait que. Hey, on est loin des problèmes qu'on avait en jouant à Astyanax. Hein. Ah, mais ça, mon gars. Sacrément, la vie est rendue compliquée. C'est la belle époque de Bayou Billy. Ah, ouais. Ah ouais. On était confus, mais en même temps, on savait c'était quoi le problème. On était en colère. C'est ça. Ces hosties de crocodiles-là. Imagine-toi si tout le monde aurait fait une crise justement pour Astyanax. C'est pas faisable ce jeu-là, on l'achètera pas. Hey, là, tout le monde part en couille. Nintendo Power brûlé dans des piles. Mais c'est ça, je te dis, mon gars, Game Genie, c'était la solution. Mais c'était les microtransactions aussi. Ça coûtait 100$, cette cochonnerie-là. Oui, j'en avais un, moi. T'en avais en tabac. Fallait que tu payes l'autre livre de code. Ça venait qu'un livre de code. Là, tu le recevais, puis c'était comme toutes les. Les jeux qui étaient sortis, ça faisait un an. Non, c'est ça. Ça te prenait le blanc. Il fallait que tu commandes le blanc. Puis après ça aussi, t'avais, moi, je m'étais comme abonné ou je sais pas quoi. Fait que j'avais des petits upgrades, là, des nouveaux jeux là, qui venaient de sortir. Ah ouais? Ouais, j'étais full équipe. Là, là. Full équipe. T'as pas regardé ça. J'ai vu la fête hein? Bayou Billy, jeu que je possédais, grâce au Game Genie. Ouais. Puis il y avait un cheat qui était vraiment de la merde pour Mega Man 2, ça c'était le Moonwalk. Ouais. C'est que tu marchais à l'envers. Quand tu passais par en arrière, il allait en avant, puis en avant, en arrière, puis en bas, en haut, c'était de la merde. Puis là, j'ai essayé. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi tu prends le temps? Ils ont comme juste crissé ça en livre. Ils vont tomber là-dessus. Ce gars-là a grandi, puis maintenant il travaille chez EA. Exactement. Mais je vais continuer à jouer en ligne, moi, puis je vais continuer à le streamer sur Twitch, le Retro Nouveau. Allez voir. J'en ai quelques parties faites. Ça reste un bon jeu, là. C'est quand même un très bon jeu, fait que. C'est ça. All right. Voilà. Le point sur ça, on va aller en pause. Pause rapide, puis on vous revient avec puis, le reste du show. Ouais, Xbox One X, ça s'en vient. Oh yeah! Après Mountain Dew! Préparez votre Mountain Dew. Pour ne rien manquer de Rétro Nouveau et pour communiquer avec nous, suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez écouter Rétro Nouveau en direct sur Twitch, en différé sur YouTube, via votre ordinateur, votre mobile ou même votre console. Bien sûr, vous pouvez nous écouter également en balado via iTunes, Google Play, Stitcher et RZO. On est revenu. Hey! Yeah! Yeah! Hey, je voulais vous lire certains tweets. Aujourd'hui, j'ai demandé au monde ce qu'ils pensaient de Battlefront 2. Puis ils m'ont répondu à Bruno Georges sur Twitter. Il y a François Fillon qui dit « Popé pantoute, pour un fan des séries, c'est très bien. C'est ce que le premier aurait dû être. La campagne est solide et le multi est bien, même si la progression est... » Tout ça sur Twitter. Wow. Oui. Oui, il y en a plus que 144 caractères maintenant sur Twitter. Éric Champoux qui me dit « C'est sérieusement compétitif comme jeu, à mon grand étonnement. J'ai vraiment du fun. La seule chose que j'ai hâte de voir, c'est les héros à venir, en espérant Obi-Wan, Anakin, Grievous. » Ouais, ils vont acheter du DLC de héros. Grievous. Il y a Extian, je sais pas si je dis bien ton nom, Extian Sévigny, qui me dit « Je dois admettre que la campagne est meilleure que j'anticipais. Gameplay solide partout aussi, je suis satisfait, mais j'ai pas fini la campagne et joué seulement deux bonnes sessions de multiplayer, amélioré du 1 également. » Il y a du monde qui me dit « Je le reçois demain, je l'ai pas reçu encore, je l'ai précommandé. » Maudit Amazon en marde. Je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore déballé. Avec une bosse, puis ça va se plaindre sur le CCJVQ. Il y a toujours ça qui arrive. Ça arrive toujours. Il y a JF Mallette qui me dit « Oui, et j'adore le jeu. » En étant un grand fan de la série, ça me permet de jouer à un jeu qui représente parfaitement l'univers. Il y a Frankenstein qui me dit... Frank Kirchstein. Il dit « Je l'ai, j'ai pas joué tant que ça, mais j'aime ce que j'ai joué. J'ai fait le online et le mode arcade. Pas essayé la campagne encore. More of the same du premier jeu. Très beau sur Xbox One X et le framerate est solide. » Il y a Crayons, les crayons, qui me dit « J'ai réinstallé le 2. » de 2005 en attendant de voir ce qui se passe avec tout le bordel de la progression, parce que si ça reste comme ça, ça va être pire que le précédent qui était déjà pénible. Puis that's it, sinon c'est positif, pas plus de plus que mais en général c'est quand même positif. Les gens ont l'air de, les gens qui l'ont en fait ont l'air de triper. C'est le monde qui l'ont pas. Le problème a été soulevé quand même, on l'a vu. Il y a eu un problème, après ça on peut-tu passer par dessus puis jouer? Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. On peut-tu passer à autre chose? C'est la vie, c'est-tu? On peut juste pas passer par dessus. Hey, on va passer à autre chose. Certains ont passé à l'or gris. L'or gris, un peu d'or gris pour nous donner un peu la bonne humeur. En fait, on n'était pas supposé avoir d'or gris aujourd'hui. Mais ouais, là, c'était un speedy or gris. Là. On a flashé juste quelque chose. Aujourd'hui, live devant vous autres, il va y avoir une transaction d'or gris. C'est-tu légal, ça? Papa Cassette s'apprête à faire un achat. Retro Love lui-même. Oh shit. Yes. Les crosseurs de Retro Love. Qui seront ce dimanche à l'hôtel Delta Montréal pour la Retro Expo. Exactement. À 10h au métro Place des Arts. Soyez des nôtres. Bonne sélection d'environ 400 plus là, vous vendez des soyez cassettes. À l'encoute. Soyez à l'encoute. Pour en fait faire une histoire courte, j'ai acheté à un collègue ces jeux de Game Boy. Il y avait des jeux de Game Boy qui traînaient, puis on s'est entendu et tout. J'ai donné un bon montant, puis je me suis ramassé avec malheureusement un jeu que j'avais en double, que j'ai demandé, puis c'est vraiment un jeu qui est pas commun, pas en tout, puis que bien des gens ignorent l'existence. Et c'est Paperboy. Zelda au Game Boy. Hey, toi, touche pas à ça, tu l'as pas payé encore. Ah, yes. Je l'ai dans mon Zelda étagère, au Game Boy, mais attention. C'est Link's Awakening. Link's en Awakening, français. Mais attention, oui, français. En version française intégrale. Oh. Donc ça, c'est vraiment pas très commun. Puis quand j'ai acheté, je pensais que c'était là. Je pense que j'ai un à mon stage de jeu Game Boy en arrière. Faudrait que je regarde après le show. La Princesse Link. On regarde. Mais le moi, ça. Je l'ai celle-là. En français ou en anglais? En français. Dre, je check si je l'ai en français. Ça. Parce que l'affaire, c'est que c'est vraiment dur de trouver des informations. Mais moi, je pensais qu'il était en anglais. Finalement, il était en français. Fait que j'ai dit à mes amis collectionneurs, est-ce qu'il y en a qui en ont besoin? Puis Dominique s'est manifesté. Ben, moi, je le voudrais complet, Link's Awakening. Ouais. Mais juste avoir le loose français, ça, je trouve ça le fun. C'est ça. Vraiment. Je possède pas ce jeu-là et je veux le faire. Parce que c'est un très bon Zelda. C'est très bon. Mais là, tu vas payer combien pour ça, le live? 60$. Ben, je le regarde, il n'y a pas à boîte. Il y a l'air. Pas pire en bonne condition. Ah ben là, c'est ça. Là. Ça, c'est un jeu qui vaut très cher. Ouais. Là, le chat vient de rentrer. Tout mon argent. Fait que ça, si, mon âge, pour vrai, ça vaut ça. 2, 3, 4, Lance un peu. Fait que c'est 140. Mais voyons donc. Mais je te fais un prix d'ami. Ouais. Je te fais un prix d'ami de moins 20 le prix que j'ai payé. Ah, OK. Ah. Je t'appellerai plus crosseur d'abord. Je t'appellerai plus crosseur. Ben non, j'avais déjà dit que je laissais au prix que j'ai payé. C'est un très bon prix. C'est super gentil. Merci beaucoup. C'est difficile d'évaluer la valeur de ce jeu-là, mais bon, moi, je pense que j'allais dire à la personne, en tout cas, 20-25$, mais je pensais que c'était la version anglaise. La version française est plus rare, fait que bon. C'est quand même pas pire de traiter quelqu'un de crosseur en commençant. Ça, un deal à donner 20$ après. C'est ça. Ça, c'est le paradigme, paradoxe des collectionneurs qui chialent après les revendeurs, mais qui vont tout acheter leur jeu au magasin. Exactement. C'est souvent, c'est ça qui est bon. Ça arrive, ça arrive. Un bel ajout. Un bel ajout, bravo. C'est tout. Tu vas pouvoir pas jouer à ça, c'est le fun. Mais genre, ben non, je veux jouer, sérieux. Je vais le faire. En plus, je suis full dans le Game Boy ces temps-ci. Ceux qui me suivent, c'est le fun, le Game Boy. Comme j'ai batté 5 jeux de Game Boy. La petite grise. J'ai ouvert mon cartable de Pawn Shop. Tu sais, les Pawn Shop, ils mettent ça dans les cartables. Moi, je fais pareil chez nous. Fait que c'est tout en ordre alphabétique. Comme des cartables de cartes de hockey. C'est exactement ce que c'est. Et puis, les cassettes, ils sortent des fois sur le dessus un peu. Puis il y a quelqu'un qui a donné Eric Vallée qu'on salue. Il a donné, oui, c'est un fidèle auditeur. Il a donné un excellent truc. T'achètes du velcro en rouleau, là, n'importe où. Puis tu velcro le top des ouvertures des cartes. Okay. Des sachets, des espaces à cartes. Fait que la cassette, elle peut plus sortir, tu comprends? Colin. Fait que. Hey, truc de pro. Non, mais c'est fou, c'est malade. J'ai comme dit, Colin, pourquoi je vais pas passer? Tu sais, eux autres, ils réalisent pas. Chris, c'est révolutionnaire. Je suis capable en dedans, mais je suis capable. Parce que je l'ai amené mon cartable complet au egg de petite grise. Ah ouais. Et là, je me suis dit, s'il y a le malheur de juste tilter un petit peu à l'horizontale, toutes les cassettes en vol. Puis moi qui crisse ça dans une boîte loose comme ça. C'est ça, comme un paysan. Un paysan. Faut être que ça marche. Ben, ça marche aussi, mais en tout cas, c'est ça. Alors, voilà. Là, vous parlez de paysans. Ce qui s'en vient, bravo. C'est une console qui n'est pas pour les paysans. Non, hey, ça, mon pas gars, de paysans du tout. Là. C'est du gros luxe. On parle maintenant de la Xbox One X. Checkez-moi la fiche technique de ça. Attends un peu. Hey! Ouais, la grosse la console parle. Elle parle seule, la console. C'est ça. J'ai pas donné de spec, mais bon, on s'entend. C'est développé par Microsoft et tout. Et pour l'occasion, j'ai cru qu'il fallait... Regardons la 4. Regardons ça. J'ai cru que pour l'occasion, il fallait quand même stepper up la crédibilité pour le show. Ouais. Fait que je me suis apporté du stock. All right. Oh, Simonac. Mes Doritos personnels. Yes. ainsi que mon Mountain Dew. Ah, parce que on peut magique. Pas, on peut pas partir de Xbox sans une petite gorgée de Mountain Dew. Alors, c'est un petit peu beaucoup. Ça s'en vient. Alors, tout s'en console au complet. Oh yeah, ça c'est comme sabrer le champagne. Ben oui. Quand est-ce qu'on sabre le Mountain Dew, là? On devrait tellement le faire. Sabrer le doux. Sabrer le doux. Donc, ça veut pas dire... En tout cas... J'irai pas. Oh non, vas-y, viens. OK. Fait que juste faire un petit historique avant, j'en avais parlé un peu au gars. Moi, la Xbox 360, ça a été quand même la console, je pense, que j'ai le plus joué. Dans le sens que c'est la première console que j'ai achetée avec mon revenu de travailleur. T'sais, j'avais un job, puis là, tu sais, comme... Tu peux acheter des jeux, puis tu t'envoies un, c'est comme, hey, je veux essayer ça, je l'achète, fuck it. Puis c'est dans le temps ça que paye les une jeux, run de journaux. C'est ça, man. Deux runs en même temps, moi, je sous-traitais ça. Puis tu sais, dans le temps aussi, les jeux coûtaient 59,99, c'était vraiment le fun, ça coûtait rien, les jeux, on en achetait, c'était pas pire. Il y avait des bonnes exclus aussi dans ce temps-là, tu sais, il y avait Mass Effect, Dead Rising, Fable, Crackdown. Pour vrai, de vrai, sans faire de jokes, c'était le Rise de Microsoft. Oh, oui. Plein de stocks, là. Puis c'était pas cher, c'était vraiment dans le moins cher. Longtemps, le stock. Était plein. Il y avait plein des indies hein, au début. Le PlayStation. Ouais, et c'est Braid, c'est la première fois qu'on a vu ça là-dessus, la Xbox Live Arcade. C'est eux autres qui l'avaient marché. Exact. Ouais. C'était pas la PS3. La PS3 était à contre-courant. Elle était trop chère. Elle était mal lancée. Et des bonnes exclusivités. Elle était là, le George Foreman Grill. Il y a des excellents shmups sur Xbox 360. Ouais, vraiment. Ils donnent vraiment le goût de m'en repogner une maintenant. J'ai une là, dans le sac. Moi aussi, j'en ai une qui traîne. J'ai une là que j'ai d'acheter, pas trop cher, dans le sac Toys R Us, ouais. Hey, j'ai vu une à 5$ dans une vente de garage. Il y en a partout dans une vente de garage. C'est le temps de les acheter. Fait que quand est venu le Next Gen ou le Current Gen de maintenant, tu sais, j'ai acheté la Xbox One et la PS4. Puis finalement, rapport qualité-prix PS4, console 100$ moins cher qui était 100$ moins cher au lancement et qui était plus performant. Donc, maintenant, tu fais les maths, puis tu sais, avec le temps, il y a un gap qui se creuse. Puis tu sais, bon, aujourd'hui, on se le cachera pas, là, les ventes de PS4 sont le double de celles de Xbox One et tout. Oui. Mais surtout, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup les specs. Moi, là, je connais pas ça, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux la meilleure version. Moi, je suis comme le monon qui arrive au garage, qui achète, qui se fait avoir solide. Ah ouais. Il connaît pas ça, mais il veut le best. Donc, ces deux-là vont plus vite. C'est pour ça que je game pas sur PC, parce que moi, là, si j'ai l'impression que je peux optimiser mon taux de rafraîchissement d'image, je le fais, puis je deviens fou avec ça. T'en aurais des lumières dans ta tour. Je passe plus de temps dans les options et tout, c'est ça. Fait que bref, je suis un peu content de retourner voir justement ce domaine-là. Donc, c'est quoi la Xbox One en gros? Ouais. C'est vraiment la nouvelle affaire là, maintenant, c'est de faire des upgrades. Là, Nintendo l'ont fait assez souvent avec les DS et tout. Après ça, PS4 l'a fait avec la Pro. Puis là, finalement, Microsoft arrive avec un upgrade assez dû pour la Xbox One. Ouais. Qui sont troisième finalement après la S qui était sortie l'année dernière. S? Et ouais, il y avait la Xbox One, la Xbox One S qui était plus petite parce que la Xbox One était quand même assez grosse. Était magnifique. S pour elle ne s'affiche pas dans une, dans une Billy. Ouais. Pas dans une Billy, mais dans une étagère IKEA à carré, Carl's Trash. Ouais. Pas trop, là, ça, ça rentre pas là-dedans, ça y est pas. C'est gros, ta barnouche. Quand t'achètes une console de riche, t'achètes pas une bibliothèque c'est de pauvre. C'est ça, non, tu fais un meuble pauvre. Ouais, mais à cause que t'as acheté ta console de riche, t'as plus une scène. Ouais, exactement. T'es obligé de chimer ton étagère IKEA. On arrive avec un upgrade. La Scorpio. C'est ça, la Scorpio. Qui est le tagline, c'est « The world's most powerful console ». Puis là, je ne vais pas vous parler en détail des specs. Télévision dans le temps. Je vais pas des specs parce que moi, là, ça ne me dit absolument rien. Mais si tu compares, mettons, avec la PS4 Pro, on peut voir là, ici là, le GPU. Le GPU est quand même 6 teraflops comparé à 4.2 teraflops. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est bien plus gros. Okay? La RAM, 12 gigabits au lieu de 8 gigabytes. Hey, Chris, man, c'est pas rien. 4 de plus là. C'est gros. Mais surtout, si on compare avec la Xbox originale, que j'ai pas les specs, c'est quasiment 3 fois plus fort que... 3-4 fois même. Plus quand même. Ça, en tout cas, que la première Xbox. C'est une belle machine. Donc, pourquoi est-ce que Microsoft fait ça en plus lourde? C'est 500$ US, donc 600$ canadiens, donc 790$ canadiens avec nos belles taxes qu'on donne à ce beau pays du Canada. Donc, pourquoi quand Microsoft finalement fait ça? Et moins cher qu'un Earthbound. C'est moins cher qu'un Earthbound, par exemple. Earthbound complet en bois. Donc, tu sais, évidemment. C'est le même prix qu'une analogue NT, par exemple. C'est ça, exactement. Une autre console de riche. Fait que, tu sais, la raison pour laquelle Microsoft fait ça, évidemment, c'est la Xbox One tire de la patte en termes de performance. On ne se cachera pas. Le fait d'avoir vendu la console plus chère et d'avoir vendu moins performante que la PS4, ça ne les a vraiment pas aidés. Donc, avec le 4K qui devient de plus en plus répandu aujourd'hui, ça reste quand même une bonne opportunité de monter. On s'entend, la PS4 Pro supporte le 4K aussi, mais pas de la même façon, et la console est un peu moins performante. Donc, on arrive vraiment avec une console qui est un peu comme semi-next-gen, dans le sens que ça reste une console Xbox One qui va lire tous les jeux d'Xbox One. Tous les futurs jeux de Xbox One vont quand même fonctionner sur les anciennes Xbox One, mais les jeux... qui décide de supporter le Xbox One X peuvent vraiment stepper une grosse coche au-dessus. Donc, en gros, ce que ça fait, là, c'est le plus flagrant, évidemment, c'est le 4K. Donc, si tu as une télé 4K chez toi, d'ailleurs, je tiens à dire, quand j'ai envoyé, j'ai essayé de trouver du footage 4K à JF, il m'a dit, ouais, tu perds ton temps, dude, c'est pas 4K. Là, on t'a 720p, surtout. C'est ça. Donc, moi, j'avais essayé de capturer des affaires et tout, mais bon, perte de temps. Fait que, bref, là, on le voit pas à l'écran, mais à la maison, je vous le dis, dans mon salon, c'est impressionnant. Tout le monde me le dit. Non, c'est pas. Puis, allez voir sur YouTube. Le support 4K et le support aussi HDR pour les nouvelles télévisions aussi qui supportent ça. Donc, vraiment des contrastes hallucinants. Bon, la qualité d'image, c'est vraiment. C'est vraiment. On le voit, là. Tu sais, c'est dur à expliquer comme ça, mais on a vraiment. On a le double de la résolution qu'on avait avant, 1080p. Puis, les performances sont là aussi. Tu sais, le processeur ne fait pas juste faire du 4K, il est aussi meilleur. Donc, on a vraiment une meilleure qualité aussi de taux de rafraîchissement d'image et tout. Donc, en plus de ça, évidemment, il y a le Blu-ray 4K. Donc, la PS4 Pro, mais sérieusement, ne lit pas les films en Blu-ray 4K, mais la Xbox One X le fait, ainsi que la Xbox One S. Donc, si on compte qu'un Blu-ray 4K coûte à peu près dans les 300$ et plus, donc on s'en rend déjà en partant, c'est un bon deal. Évidemment, éventuellement, on va pouvoir même faire du recording de 4K aussi pour le gaming. Puis, mais bon, bref, tout ce qu'on veut, c'est en fait, c'est voir les jeux qui sont Xbox One X Enhanced. Donc, tantôt, on a vu Gears of War 4. Ça, je l'ai essayé rapidement. Donc, première chose à faire avec ce jeu-là, c'est télécharger un patch de 60 gigs pour avoir les textures 4K. Donc, ça, c'est le problème un peu qui arrive avec tous ces jeux-là, c'est qu'il faut que tu télécharges des fois les patchs pour avoir justement la qualité. Puis bon, finalement, tu sais, le jeu est magnifique quand tu roules là-dessus, mais c'est Gears of War, puis c'est pas nécessairement l'affaire la plus flagrante. Par contre, ce qui est vraiment qui nous frappe, c'est la différence entre les cutscenes pré-rendus avec les assets du jeu. Donc, des fois, dans les jeux, on fait des cinématiques, puis on essaie de faire semblant que ça se passe dans le jeu, mais dans le fond, c'est du pré-rendu. Ben là, maintenant, ça se voit en tabarnouche, parce que tu passes vraiment, il y a une grosse différence de qualité entre les cutscenes puis finalement le gameplay. Donc, le gameplay se ramasse plus beau que les cutscenes, donc c'est assez spécial. Wow, quand même. Ensuite, j'ai essayé évidemment Assassin's Creed Unity. Donc, vraiment, ce qui est cool avec celui-là, c'est qu'il n'y a pas une grosse patch à télécharger parce que justement, les assets sont vraiment sur le disque. Fait que ça, c'est pas mal cool. Encore une fois, vraiment magnifique. C'est vraiment la version ultime, je pense, du jeu. Donc, superbe. Battlefront 2 aussi, qu'on a parlé un peu tout à l'heure, en 4K, c'est vraiment beau. Une patch, encore une fois, pas énorme à télécharger. Puis bon, tout est dans 60 frames secondes. Pratiquement toujours en 4K, le jeu. Vraiment magnifique. C'est un excellent jeu, je pense, pour aussi les limites de la console. Tu remarques-tu les différences au niveau du son? Au niveau du son, moi, je suis branché là, dans ma même soundbar. Fait que le son est toujours aussi bon. Je sais qu'il y a du son spatial aussi maintenant, c'est un système de son qui le supporte, mais moi, c'est une petite barre Insignia, fait que ça le supporte pas vraiment. Ouais. Okay. Puis là, ce qu'on voit à l'écran, ceux qui nous écoutent à la maison, c'est Call of Duty World War II. Donc, des jeux aussi, des flagship titles qui sont support du 4K. Et donc, je vais me permettre un petit review rapide de ce jeu-là, parce que j'ai quand même vraiment beaucoup joué à ça. C'était pas mal un des rares jeux qui était comme nouveau, récent, qui supportait ça. Donc, pour ceux qui sont fans de Call of Duty, Call of Duty... Xbox, crème, Nintendo. Je pense qu'on est en train de mettre l'Internet en feu. Ouais. Donc, c'est vraiment un code assez classique. Donc, tout le monde était bien content de retourner dans la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'aimais beaucoup ceux-là qui étaient comme flyés dans l'espace, là, ou comme Black Ops avec des missions un peu dans toutes les époques. Donc, vraiment un retour en arrière en termes de setting. Je parle pas en termes de gameplay. Mais bon, ils ont vraiment beaucoup plus poussé le mode narratif dans ce jeu-là. Je vous dirais, la campagne, ils ont essayé de faire de quoi de vraiment deep. Je vous dirais que par moment, moi, j'ai trouvé que c'était un peu redondant. On s'entend, là, pour Call of Duty. Chris, il y a un niveau Ninja Gaiden dans Call of Duty. Le footage qui embarque. Ben, c'est son fait, le footage. C'est donc bien net, ça, Calis. Fait que, bref, Call of Duty, le storyline est quand même assez fun. Mais bon, c'est pas nécessairement le truc. Le multiplayer est toujours aussi solide que d'habitude. Donc, moi, j'ai bien aimé dans Call of Duty. Là, je dis ça, puis on a comme le footage de Ninja Gaiden. Je suis complètement déconcentré, mais c'est pas grave. Donc, c'était bien le fun. Je donnerais un petit 8 sur 10 à ce Call of Duty-là. Wow, c'est cool, ça. Donc, ça vaut la peine pour les fans du jeu. Mais durée de la campagne. La durée de la campagne est à peu près 8 à 10 heures. Je dirais que c'est quand même assez long. C'est quand même assez long. Top. Si on revient là, sur ce qu'on voit en ce moment à l'écran, là on voit du gameplay de Ninja Gaiden au Xbox, parce que là, à la grosse affaire en 4K aussi, en fait, c'est la version Xbox originale. Donc, ça. Microsoft ont décidé de supporter aussi la backward compatibility avec la Xbox One X, oui, aussi, cool. Ce qui te permet de jouer à certains jeux d'Xbox et Xbox 360. En 360 aussi? Oui. Tu peux-tu jouer à tous les jeux de 360 sur ma Xbox pas One pour X, le moment. Scorpio? En fait, pour le moment, il y a 5 jeux qui supportent sur la Xbox 360 qui supportent le 4K natif. Même chose sur Xbox One, sur Xbox original, c'est 13 jeux. Mais bon, c'est quand même des jeux assez intéressants. Puis vraiment, ça leur donne une deuxième vie, des jouets justement en 4K. Comme ça, c'est vraiment impressionnant. C'est un peu comme... Moi, j'ai joué à Knights of the Old Republic. Puis là, tu sais, t'as comme tellement un gros contraste entre les menus puis les assets 3D dans le jeu. C'en est vraiment très drôle. Mais ce qui est cool, c'est que ça donne le goût de justement retourner jouer ces jeux-là et tout. Même chose avec... J'ai essayé rapidement Halo 3 parce que c'est pas tous les jeux qui sont compatibles. Je voulais voir ce que j'avais à la maison. Ouais. Mais c'est quand même assez impressionnant. Comment ils font pour faire de la magie de même? T'as pas besoin de downloader rien. C'est ça l'affaire, c'est que t'es obligé de télécharger. Okay. Fait que t'as quand même un téléchargement à faire de peu près 4-5 gigs par jeu. Fait que j'imagine gens qui prennent la version PC puis donnent les meilleurs settings ever. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils pognent la version originale puis ils doivent y appliquer un différent truc qui... Je sais pas exactement comment ils font, là. Moi, t'es honnête avec toi, mais c'est sûr la que tu télécharges de Perlin, un pimpin. Fait que tu sais, c'est un peu. Il y avait déjà de la compatibilité rétro sur le Xbox One original standard. C'est juste que maintenant, ils l'ont boosté pour la Xbox One X. C'est ce qu'on appelle médiane dans Photoshop. Exactement. le closest neighbor pis tout. Là, on fait du lissage partout. Là. Non, mais c'est seul vraiment... monde font ça, c'est des jeunesses. C'est que ça m'enrage. Non, mais c'est vraiment mieux que ça. C'est vraiment en 4K. Donc, c'est vraiment la 3D, les pixels, les polygones sont juste tout est propre, fins, propre. Exactement. Mais ta texture, c'est taché. Les textures restent un peu LED. Ouais, okay. Donc là, tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de t'acheter une Xbox One X? Ouais. Ça si t'as une télé 4K, tu sais, c'est sûr que ça vaut vraiment la peine. Tu vas voir, là, c'est vraiment... Je serais pas mieux avec un PlayStation 4 Pro? Le PS4 Pro, techniquement, ça dépend... En fait, on va en venir là, tu vas voir. Okay, c'est sûr que si le PS4 Pro, C'est un pensée-y bien. C'est sûr que la PS4 Pro est un peu moins performante, donc les jeux, c'est ouais, pas ben, tous les jeux qui supportent aussi bien le 4K. Là. Pas si grand comme différence. Ben, c'est quand même assez immense, je ouais, dirais, ouais. Là, en termes de stabilité. Hey, c'est gros des teraflops. Okay, c'est des teraflops, là. C'est pas des kiloflops, ça, là. C'est des gars. Fait que. Vous savez tellement d'affaires. Puis aussi, comme je te dis, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que ça vient aussi avec un lecteur Blu-ray 4K. Donc, ça, c'est quand même intéressant si t'écoutes des films. Moi, j'aime ça écouter des films. Fait que j'aime ça écouter en 4K. Fait que, tu sais. Ouais, ça va te soutenir, par exemple, La Petite Sirène en DVD que j'ai acheté au Pawn Shop. Assez bien. J'espère. Faudrait. Donc, aussi, moi, ce que j'aime, c'est surtout la tranquillité d'esprit de savoir que j'ai la meilleure version de tel ouais, jeu sur ça, console. J'avoue que ouais, ça, c'est cool. Ça m'enlève. Pour aller avec affaire, ta meilleure TV et ton meilleur système exactement. De son chez vous, dans ton anecdote, meilleur condo. Exactement. Le best possible. T'sais, cette anecdote vraiment le fun. Je sais pas si vous connaissez les gars de Digital Foundry qui font des tests de benchmark ouais, dans différentes ouais, versions. Ouais. Ils avaient fait un benchmark comme ça sur Titanfall 2 entre PS4 Pro et Xbox One X. Ils se sont rendus compte que la version Xbox One X a rushé à des places et tout. Puis les développeurs ont vu la vidéo puis ont fait comme « Oh shit, les gars, on a laissé une marde dans le code quand on a chippé l'affaire. » Fait qu'ils ont fait une patch puis ils ont recontacté les gars puis ils ont dit « Hey, on a réglé le problème. Voulez-vous le checker encore? » Wow. Finalement, évidemment, ils ont réglé le problème. Wow. Et là, la version roule mieux. C'est hot, ça. Donc, c'est dire à quel point que même tout le monde prend ça un peu à cœur. Puis tu sais, bon, moi, évidemment... Je suis un fan de shooter, là, je le disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien ça, les FPS sur ouais. console et tout. Puis la manette d'Xbox, là, c'est la bonne manette. C'est ça, vrai, ce shooter. Ouais, ouais, c'est la caméra, tout est bien placé. Là, tout, à un moment donné, c'est une mémoire qui devient vraiment physique. Puis tout est parfait pour ça. Puis bon, comme je disais tantôt, là, si t'as une Karlstad chez vous de Ikea, ben là, maintenant, elle rentre dedans parce que la console est plus petite. Ouais. Puis, ben écoute, si tu entres ça puis un PC maintenant, c'est sûr que... Ouais, ben là, des PC à 700$, ça existe ouais. pas. Il y en a plus vraiment. Ouais, fait que tu sais... Ah ouais, ça doit être un PC du gitan. La même force non, maintenant. Pas pour faire ça, pas pour du 4K, là, c'est clair. C'est ça. Là. Mais bon. Un PC qui fait ce que la Xbox One X va faire va coûter cher, c'est certain. Exactement. Un PC à 700, oui, mais tu pourras pas jouer à des jeux de même à 4K, c'est sûr. C'est là. Ça. Ben non, c'est ça. Fait que... Ben, je vais pouvoir jouer aux démineurs puis ben faire ouais, un rapport d'impôt. Pas sûr. Même pas. Mais, hein. sinon, là, quoi, là. Il l'a même plus. Ce jeu, sinon, là, pour rapper ça, là, pour pas trop prendre de temps, là, ce qui est moins hot, évidemment, ben, c'est pas aussi plug and play que j'aurais voulu maintenant. Comme je dis. ça me tue. Tu sais, t'as des patchs énormes à télécharger pour les vieux ouais. jeux, souvent. Là, comme je dis, des 60 gigs, là, Halo 5, c'est la même chose. Tous les autres jeux sont comme ça, tu sais. Puis même chose nuit. Pour les jeux, comment? Tu downloads ça la nuit. Ah ben ouais, écoute, tu les pars là, puis tu t'en ah vas ouais. travailler. Le même chose, j'ai l'Xbox One X. C'est ça, mais ouais, non. pas tout de suite, tu vas pas jouer. Pas tout de suite. Après ça, il y a quand même un petit setup à faire. Moi, avec ma télé, il a fallu que je change les ports, puis que j'ai découvert qu'il y avait des ports qui étaient préparés sur ma télé et tout, puis il y a du gossage. Puis il y a comme tout un menu qui t'explique là, les specs de ta télé, là, puis ouais, ça fait ouais. capoter. Il y a des affaires en rouge, en jaune, en vert. T'es comme, si tu fois, j'ai acheté une télé, je capote. Si, Paul. Mais bon, bref, ça marche bien pareil. Puis bon, après ça, c'est, tantôt t'en parlais de PS4 Pro et tout. C'est sûr que oh, ça si t'as une PS4 Pro aujourd'hui, ben c'est peut-être pas le gros jump que tu vas de ta vie, tu sais. Puis la liste d'exclusivités Xbox One en ce moment est pas aussi intéressante peut-être que les exclusivités ouais. de PlayStation. Ouais. Tu sais, on s'entend. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont lancé la console, ils ont pas vraiment lancé de gros jeux forts en même temps pour vendre ben, justement ouais. la sauce. Gears 4? Gears 4 est sorti l'année passée, puis là, ils ont comme ouais. update, en ouais, fait, ils ont upgradé update. Tous ah, les okay, jeux, okay. tu sais. Puis ça, c'est correct, mais en même temps, c'est un peu drôle. T'sais, le seul jeu qui est sorti en même temps, c'était ce que Super Lucky's Tale, qui est un genre de platformer pour enfants. Puis comme on dit tout à l'heure ouais, à la blague, Chris, j'ai l'impression bonne... que c'est un jeu qui est juste là pour justifier l'achat de la Xbox One au papa qui achète ça, puis ouais. tu l'as acheté pour les enfants Jack aussi. Jack Chéri, le petit va jouer avec, oh, là, il va jouer lui aussi, ça vaut la peine. Fait que là, bon, OK. Maintenant aussi, ça va être ton cadeau. C'est, pas une... c'est ça. Tu sais, si t'as pas une télé 4K, est-ce que ça vaut la peine? On m'a dit que oui, j'ai pas vu la différence, mais c'est sûr que par défaut, tous les jeux Xbox roulent mieux. Tu sais, sans ouais, ouais. un développeur touche pas au jeu, tu mets Witcher 3 dedans, puis tu sais, ça, tu top le max frame rate. Tu sais, la stabilité des jeux par défaut est déjà améliorée. Fait qu'en partant, ça vaut la peine. Mais moi, j'ai pas fait l'expérience, malheureusement, pour ouais. vous dire. Ben, tu sais, est-ce que ça justifie le prix élevé de la patente? Ben, c'est ça. C'est quand même ça serait comme s'acheter une Ferrari, mais juste rouler dans des zones scolaires à 30 c'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que t'as envie de payer 700$ pour faire du 30 km/h? Exact. Ça dépend. Moi, personnellement, ouais. moi personnellement, tu sais, je veux dire, toi t'es vraiment... pimp de même, toi t'aimes moi, ça. Moi je suis pimp, moi c'est ça. Ouais, exact. Je suis dans un schlag, il n'y a pas de loi. En plus, je t'ai donné 20$ tout à l'heure, t'as de l'argent. Live, je suis full loadé, man. Fait que tu sais, moi, honnêtement, j'étais vraiment surpris à quel point j'étais content de cet achat-là. Tu sais, le fait que justement, pouvoir rejouer des vieux jeux, vraiment avoir une grosse différence sur les jeux actuels. Tu sais, je suis devenu vraiment hypé et tout pour. Je suis redevenu hypé finalement pour la Xbox. J'étais vraiment bien content de ça. Et c'est pour toutes ces raisons que je lui accorde la note de 4K sur 10. Yeah! Mais en résolution de paysan standard, ça équivaut à un 9 sur 10. Ah. Donc, vraiment content de cet achat-là. Écoutez, c'est un bon moment pour le saut sur Xbox si vous avez les revenus et l'équipement nécessaires pour le faire. Wow. Si j'ai pas ouvert mes Doritos, je vais les garder pour mon lunch demain. Le gars, ouais, j'ai aussi un Mountain Dew à vendre. Ouais. Alors écoutez, parce que je suis pas sûr de... C'est bon ce Mountain Dew. T'as-tu des rhumes, des gastro? Moi, je sors d'une grosse grippe. Ouais, gastro-grippe, tu t'inquiètes. La gastro-grippe. Le gros kit. Hey, d'ailleurs, parenthèse très rapide, ma blonde est allée à la garderie tantôt chercher le petit, puis il y avait des sacs poubelles de vêtements accrochés, tu sais. Ah, si bon. Là, tu dis, sur le crochet des autres jeunes, deux sacs, là... Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs-là? Là, tous les parents survivent. Tu sais, habituellement, c'est des vêtements pleins de vomi de gastro, ça. Ouais, là, ouais. Là, tout le monde crée. Finalement, c'est correct. C'est juste des pantalons de soude d'hiver pleins de bouettes. Là, tu sais, il n'y avait pas de gastro dans ces sacs. C'était pas comme un warning qui était mis à l'entrée du village pour ça. Ça, c'est le warning. Là. Quand tu vois un sac poubelle là, dans une garderie avec des vêtements dedans, tu te dis, ah, calice, il y en a un qui est malade. On prend des notes. On va tout être malade. Ok, fait que moi je vais enchaîner. Ah, c'est vrai, t'as une critique. Ok, on bat ça, GF. Ramène-moi à l'ordre si jamais je... Vas-y. Je dépasse. Ok. Lego Marvel Super Heroes 2, ça a été développé par TT Games comme d'habitude pour les jeux Lego, publié par Warner Bros. Entertainment, disponible sur Switch, PS4, One et PC. Là-dedans, c'est la pochette en fait. Ça, ou c'est... Non, c'est la pochette US. Yes. Mais c'est la Rated Pending, c'est pas rated la plus récente. Pending. Maudit. C'est un jeu pour tous, c'est un jeu pour tous. Tout dans le coin avec les pochettes. C'est ça, en fait là-dedans, là, on est avec Kang le Conquérant. Lui, c'est ça ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est promené à travers différents timelines, différents univers. Et puis, il a conquéri tous ces univers-là, tous ces endroits-là. Puis, il les a... Il a conquis, excuse-moi. Il les a ramenés à un endroit, Chronopolis. Puis Chronopolis, en fait, c'est comme l'espèce de hub de ce jeu-là. Puis tous les héros, évidemment, se retrouvent au même endroit vu que lui, il a conquis tous ces mondes-là puis il les a ramenés à la même place. Fait que c'est ça, tous tes héros sont au même endroit pour combattre Kang, je veux dire. Puis Kang, c'est ça, c'est un... Moi, je le connaissais pas tant que ça. C'est un méchant qui est associé souvent aux Avengers. C'est un classique. Puis c'est ça. Là-dedans, là, juste pour vous dire, les héros, il y a, entre autres, bon, les connus. Je vais commencer par les connus, là. Je vous en donne une coupe. Il y a les Gardiens de la Galaxie, sont tous là. Spider-Man, Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye, Miss Marvel, Black Panther, Doctor Strange, Daredevil, Iron Man, She-Hulk... Il y a aussi des moins connus comme Chipmunk Hunk, Blue Marvel, Four Bushmen, Hammer, Moon Knight, Madame Hydra, Lizard, Cronan, Kraven the Hunter, Valkyrie, Terminatrix, Surtur. Fait que c'est ça, il y a quand même des personnages Raven. Moins connus là-dedans. Ah ben oui, vieux, ben oui. Ouais, fait que c'est old school en tabarnak. C'est très old school. C'est un des premiers vélos de Spider-Man. Là, il était bien en jungle. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que dans ce jeu-là, ils ont quand même... Puis c'est ça qui fait que par rapport au premier, moi, quand j'ai commencé, j'étais un peu comme... mais lui, je le connais moins. Puis je jouais avec mon gars, puis il était comme... Je le veux pas, lui. Moi, je veux Captain America. Pis, ben oui. Il en inclut des moins connus. Comme justement là-dedans, t'as Ant-Man, mais t'as Wasp aussi, puis t'as... T'as des personnages qui sont un petit peu moins populaires, mais qui sont quand même font partie de l'univers Marvel en masse pour les fans de Marvel. Fait que c'est le fun. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que tous ces personnages-là ont des particularités à eux, comme dans tous les jeux de Lego. Mais surtout dans celui-là, des Marvel Super Heroes, moi, dans le premier, c'était quelque chose que j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était vraiment très précis à quel point chaque personnage a ses habiletés. Ouais, comme entre autres, le Star-Lord des Gardiens de la Galaxie, tu peux... littéralement peser sur un bouton, il va mettre son Walkman, puis la musique va commencer à jouer, puis il va faire danser tout le monde autour de lui. Il y a comme des centaines de personnages, puis c'est souvent les meilleures versions. C'est souvent le meilleur jeu de Marvel, dans le sens que c'est là que les héros sont les plus complets. C'est ça. Puis il y en a Exact. J'ai quelques exemples pour vous autres. Moi, mon meilleur personnage, c'est Miss Marvel là-dedans. Je l'adore. Elle est écœurante. Son gameplay est vraiment, vraiment bon. Puis c'est ça, elle peut s'étirer, elle peut se glisser dans des endroits étroits, elle peut voler. Star-Lord, je vous en ai parlé tantôt. Groot, entre autres, qui peut se transformer de petit à grand. Il peut se transformer en toutes sortes de formes aussi. Captain Marvel, qui peut tirer des lasers, faire des sauts, voler. Il y a vraiment plusieurs personnages qui volent, en fait. Puis je trouve que le vol là-dedans fonctionne mieux que dans le premier jeu. J'avais de la misère à voler. Là, c'est plus simple avec les deux joysticks, avec les boutons, ça va bien. Ce que j'ai aimé aussi là-dedans, c'est qu'il y a un personnage, il y a un créateur de personnages. Ouais. Fait que s'il y a des héros là-dedans qui sont pas là, que tu voudrais qu'ils soient là, ben tu peux les créer littéralement. Génial. Toi-même. Fait que tu peux même créer des héros de DC si ça te tente. mélanger tes meilleurs jeux ensemble. Une chose que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, dans ce jeu-là, t'es dans le hub de Chronopolis dont j'ai parlé tantôt. Puis ça, c'est comme un open world qui te permet d'accéder à d'autres mondes. Puis dans ces mondes-là, ces missions-là de l'histoire vont jouer avec différentes licences de Marvel, même des vieilles affaires comme entre autres, on a vu un setting médiéval. Il y a même un setting médiéval avec le Black Knight, je pense. Fait que ça, c'est le fun. Il y a aussi des moments, genre il y a eu un tableau Black de Doctor Knight. Strange qui ressemblait beaucoup au MCU, dans le fond, qui ressemblait au film de Marvel. Il y avait aussi justement des niveaux de Gardiens de la Galaxie, encore comme j'ai parlé tantôt. Thor Ragnarok aussi, des références à ça pour le type de Thor puis le type de Hulk de Ragnarok que tu retrouves dedans. Il y a Captain America, un moment donné, on l'a vu tantôt avec un chapeau cowboy. Ouais. Il est comme dans le Far West, okay, comme une version cowboy. Ça, je trouve ça vraiment hot. Les niveaux sont vraiment détaillés, sont beaux. Tu te retrouves dans un niveau dans l'eau qui est vraiment impeccable, qui est très, très poussé graphiquement. Ben franchement, c'est ce qui est surprenant quand même pour un jeu de Lego. Puis il y a plein de tableaux comme ça que j'ai trouvé qui étaient poussés visuellement. Ça paraît qu'ils en font de plus en plus, puis ils essayent d'améliorer la game. C'est ça, les puzzles sont super simples. Gros point faible, c'est l'ego. Fait que l'action est répétitive, puis c'est ça qui va tuer le jeu à la longue. C'est que les puzzles sont tellement simples, puis tu sais tellement quand même pas mal quoi faire. Ouais, c'est ça. Faut que tu prennes un break à un moment donné des Lego. Ils sont super le fun à deux, mais à un moment donné, c'est comme... C'est des petites c'est games, tu sais. Puis comme là, les puzzles sont moins compliqués, parce que tu sais, le dernier jeu, c'était le jeu que j'ai critiqué ici, le Ninjago, qui était quand même très axé sur le combat, ce qui était vraiment le fun. Puis là, celui-là, on dirait que le combat, ils ont fait « Ah, fuck it ». On va tout le donner comme un mouvement spécial puis des moves à eux-mêmes, mais ça reste quand même du button smashing pas mal. Ouais. T'as pas de... On t'enlève jamais rien dans l'ego. T'sais, tu meurs, mais tu reviens tout de suite. Fait que c'est pas grave de mourir. Je pense qu'on sacrifie la complexité du système pour avoir le plus possible de variété de personnages à jouer. Exact. Qu'on a pas, ils n'ont pas le choix vraiment de garder ça simple. C'est ça. Capable de... Mais il y a quand même des variétés de gameplay. T'sais, des fois, t'es dans un avion, t'es dans les airs. Fait que des fois, il y a ce côté-là, le côté nager, le côté voler, tout ça. Puis le monde est quand même assez large. Moi, je trouve que c'est ça. C'est un excellent jeu parents-enfants. Si vous aimez les jeux de Marvel, si vous aimez l'univers de Marvel, c'est incroyable parce qu'ils ont vraiment respecté l'univers là, big time. Puis il y a des références, puis des espèces de micro-références super subtiles aux comic books puis aux histoires de ces personnages-là. Puis c'est ça, il y a un mode compétitif à 4 aussi, fait qu'il y a coopératif à 2 local, mais il y a aussi compétitif à 4 où t'es dans une espèce d'arène puis tu combats pour du territoire pis tout ça. C'est intéressant, c'est le fun, mais c'est vraiment une distraction là. C'est pas là-dedans qu'on va passer le plus grand de notre temps. Fait que c'est ça, c'est un bon jeu, c'est une bonne suite à Lego Marvel Super Heroes 2, mais j'aurais aimé un peu plus de profondeur quand même dans le gameplay. J'ai l'impression qu'on vise plus les enfants avec celui-là que les parents. Fait que c'est ça, mais pour toutes ces raisons, je lui donne la note de 8 sur 10 parce que c'est quand même un très bon jeu qui a énormément de contenu. Vous allez voir quand vous allez partir ça, sérieux, il est beaucoup plus gros que le premier, ça vaut la peine. Je le veux pour Noël. Je dis ça de même à toute la famille qui écoute. Je dis ça de même. Yes. Cool. Alright, fait que sur ça, on va faire une discussion pour parler. 5-10 minutes, on peut le prendre. Ben oui, certain. Écoute, ben je vais commencer tout de suite rapidement. J'étais allé en fin de semaine au Mega 2017. C'était le Montreal Expo Gaming Arcade. C'est vrai, je le dis en anglais, mais ça se dit aussi en français, je pense. C'est la première édition et puis ça a été monté de toutes pièces très rapidement, en genre 2 mois. Il a annoncé ça en septembre et puis bang, en novembre, ça a lieu. Tout le monde était comme, ouais, qu'est-ce qui arrive avec cette affaire-là? C'est quoi ça? T'sais, on savait pas trop. Puis même, le jour avant d'y aller moi-même, là où, sur place, je savais pas non plus. T'sais, c'est un peu... Ils n'ont pas eu le temps de marketer la patente comme il faut, je trouve. Non, c'est et ça. Et puis le nom flou, est un peu brouillon, là aussi. Très brouillon, en fait. Je pense qu'ils voulaient plus écrire Mega que trouver un vrai nom. Là. Mais c'est vrai, ils ont les fait Montréal acronymes sont Expo, comme ça. Là, ça fait Gaming, et Mega. Là, ils ont mis un A pour faire Arcade. Ils ont dit ah, Arcade. Ouais, là, ah, ça va être pour Arcade. Il n'y avait pas d'arcade là, tu sais. OK. Fait que ça, c'était comme un peu bidon, là. Fait qu'en gros, ce qu'il y avait là, ça avait... c'était plus pour le showcase d'Indie. Les créateurs de jeux québécois, dans le fond, qui étaient tous d'un côté. C'est au marché Bon Secours à Montréal, dans le Vieux. Il y avait ça, c'est fait sur large, cette bâtisse-là. Ouais, c'est sur donc, long. Toutes les indies sont d'un bord. Puis de l'autre bord, tu avais un peu d'affaires mix. Il y avait une arcade, en fait. C'est une nouvelle affaire, ça, que je suis. C'est un gars qui fait des prototypes d'arcade style IKEA. Que tu montes toi-même. En tout cas, c'est la seule arcade qu'il y avait là. Et puis, il y avait des petits jeux pour les enfants. Un gars qui speedrunnait Zelda Link to the Past. Puis dans l'autre pièce, au bout de ça, il y avait le e-sports. Okay. Fait que moi, j'étais allé au e-sports un peu. J'étais avec mon fils plus vieux de 9 ans. Fait que il a joué à... comment ça s'appelle là? Rocket League. Ah, oui. Et puis, il a bien aimé ça. On a voulu jouer à la petite arcade. On n'a pas réussi à te planter. On n'a pas pu jouer aux jeux d'enfants parce qu'il y avait trop de monde. On n'a pas joué à grand-chose. Okay. En fait. Ouais, c'est ça, t'as-tu joué aux jeux de sabotage? Je l'ai tellement entendu parler. Oui, j'y ai joué parce que personne jouait, étrangement, ou très peu. Ah, ça, là, c'est un studio sabotage qui est à Québec, il me semble. Et puis, ils ont fait un Ninja Gaiden. Ouais. Mais au début, tu commences, t'as rien, mais tu sais, comme tu slashes puis tu sautes. That's it. Puis là, après ça, le gars, il t'explique, ben, tu débloques des skills que tu peux en acheter un peu puis booster. Fait qu'après ça, tu colles ses murs, t'as plein d'affaires de même. Et puis la twist aussi, c'est qu'à peu près la moitié du jeu, le jeu, il flippe puis il devient 16 bits, tu sais. Là, c'est très 8 bits. C'est comme pareil comme Ninja Gaiden, mais ça flippe en 16 bits. Puis là, ça encore, ça approfondit au bout. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, OK, wow. Parce que là, je jouais, je suis comme, ah, ça faudrait coller ses murs. Ça prendrait un double jump, ça prendrait un dash, ça prendrait un slide. Ben, t'as tout ça, là. C'est rien que ça vient plus tard en juin, tu sais. Okay. Fait que, sérieux, j'étais mind blown, là. Ça, là, c'est venu me chercher. C'est quoi le nom du jeu? Ah, ça, c'est quoi le nom? Question je sais même pas parce que c'était comme pas écrit. Non, c'est ça, même. Moi, je sais pas si ça a c'est été annoncé. C'est pas genre Ninja, c'est genre de Messenger ou quelque chose de même. Ok, là, on va retrouver ça. Check quelqu'un ça. Dans le chat est capable de nous Michael, dire. S'il est là, il va le sortir, là. Fait que ça, j'étais surpris au bout. C'était malade. J'ai vu Giz et puis la gang de Outer Minds. On est joué à Tadpole Tap. Ouais. Mon fils, il a adoré. On l'a téléchargé tout de suite en arrivant à la maison. L'argent puis, pour Outer Minds, yeah! L'argent local. Exact. Ils ont donné un beau petit macaron qui a mis son sac à dos. Fait que c'était une belle expo. Et puis, mais flou, je trouve. Il y a un grand succès, c'est d'ailleurs. J'ai année. Vu Carl Tremblay aussi, de Triple Boris. Et puis, jasé un bon bout de temps avec lui. Il fait dire bonjour, Bruno, d'ailleurs. Carl Tremblay. Yes. Et puis, super smart. Et puis, c'est ça. Mais c'était un bon showcase. Il y avait beaucoup de monde. Un peu de cosplay au travers. Mais ça avait, je sais pas, ça se voit être le salon du jeu vidéo. Mais on dirait qu'ils ont ramassé tout ce qu'ils ont pu ramasser. Là, mais c'est un peu comme le PAX. On verra. C'est un peu l'équivalent du PAX. C'est ça. Le Penny Arcade Expo. Puis, en fait, moi, j'ai pas le temps d'y aller, malheureusement, en fin de semaine. Mais je suis vraiment content de savoir que c'était supposément un très bon succès. Ça a été un gros succès parce que pour le temps qu'ils ont eu pour le faire. Parce qu'à l'époque, il y avait le festival Arcadia, qui était un festival... Je voulais tellement y aller. Tu sais, ce festival-là était tellement prometteur, puis il y a tellement eu de patentes qui marchaient pas dans ce festival-là, je pense, au niveau de l'organisation et tout. Ouais. Mais tu sais, tu y allais, c'était quand même cool, tu avais un peu de tout. Puis à un moment donné, c'est disparu, puis ça laissait un vide, je trouve. Eric Hébert a dit que c'est The Messenger, le jeu. C'est vraiment ça. Ah, c'est The Messenger. C'est ça, je cherchais le nom, je le trouve pas nulle part. Voilà. Fait que tu sais, je trouve que ça avait laissé un trou. Puis ce qui est vraiment plus awkward, c'est qu'à l'époque d'Arcadia à Montréal, il y avait Ubisoft, puis c'était pas mal le plus gros. T'sais. Puis là, aujourd'hui, non seulement t'as Ubisoft, mais t'as genre 3-4 autres gros studios majeurs. Puis t'as une cinquantaine de studios indépendants qui font des jeux. Puis il n'y a comme pas de festival ou de fête par rapport à ça. T'sais, c'est très surprenant. Mais les majors, ça. Ils sont pas allés au Mega. T'sais. Comment? Ils n'étaient pas là, Ubisoft. Et puis EA. Moi, on m'a dit que EA était. J'ai l'impression que j'ai vu des. Ah, EA était là. Il ouais. donnait des jeux là, pour se faire pardonner. Là. C'est vraiment ça qu'il faisait. Damage il donnait des jeux. Okay. C'était malade. Eric pourra en témoigner. Mais il n'était pas là avec un style de boucle. C'était une fille avec une table et des jeux là, sur la table qui faisait spinner une roulette. Je sais pas trop comment on faisait pour gagner. Ah, c'était test. Mais ils n'étaient pas là, les majors. Peut-être qu'ils vont venir l'année prochaine. Moi-même, ben, d'ailleurs, personnellement, je me suis dit, Chris, peut-être que je pourrais, avec les gars de Retro Gamer, essayer de pitcher ben une oui, section faut, rétro là, là-dedans, faut, parce qu'il n'y en a pas de rétro. Il y en avait à peine. Là. Ah. Il y avait les gars de gros joueurs, ceux qui ont une grosse manette de Nintendo géante et qui jouaient à Punch-Out sur un Dance Dance. Là. Mais c'est tout, tu sais. Il n'y avait pas de vraie section rétro, style Shit. Musée ou whatever. Y a-t-il de la vente là-bas? Non, ils n'ont pas, pas cochonné ça non plus. Ils pourraient en avoir. Mais c'est ça, comme tu dis, ça semble s'être organisé vraiment à dernière minute. Ouais. C'était comme un effort collectif pour connaître des indies, en fait. Là. C'était surtout ça, en fait. Je suppose que c'est peut-être facile de les faire venir, eux autres. Je sais pas. Mais c'est parce que c'est plate, t'as quand même besoin de... Il y a dans le métro de leurs affaires. Mais c'est parce que, tu sais, si t'as un gros joueur, justement, pour pouvoir attirer, pour que les gens viennent découvrir les indies, c'est là que c'est... C'est là que c'est le fun pour monsieur, madame, tout le monde là, qui connaît pas trop ça. Parce que moi, c'est ça, ben franchement, quand j'ai regardé ça, mes gars, je cherchais, quand je faisais un search sur Google, je trouvais rien. Je trouvais pas de description. Fait que là, tu faisais comme OK, ça s'adresse à qui cette affaire-là? Je sais pas trop. C'était mal expliqué, mais je pense qu'ils peuvent bâtir là-dessus puis faire de quoi de vraiment intéressant. Il faut bâtir là-dessus. Ouais. Personnellement, il y en a une couple là, de trucs du genre. Ils commencent à en avoir. T'sais, mettons le Geek Fest, en a un autre. Mais il y a un effort à Montréal. Geek Fest, j'arrive pas à la saisir précisément non plus. Il y a de la vente de jeux, il y a une section podcast, mais il y a du cosplay. Puis sinon, il y a des ateliers de gens qui expliquent des affaires. C'est tout ce qui est relié au geek. C'est vraiment. Le Geek Fest, il n'y a pas eu de podcast l'année au Geek Fest. Ouais. Non, ils ont annulé cet événement. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est correct parce que c'était pas la place. Mais tu sais, je pense que la force de Mega, c'est que c'est les créateurs qui sont là. Ouais. T'sais, c'est pas juste comme on organise et on invite qui qu'on peut. T'sais. Exact. Là, c'est vraiment. Une scène pour faire rayonner. Tu sais, moi, je connais plein de gens qui étaient là en fin de semaine que j'aurais voulu aller voir. Moi, j'en connaissais plein, c'était le fun. Tu sais, plein de monde les. Ben, Tribute était là. Tribute était pas là, je les ai. Ah ouais, il me semble que j'ai vu Yannick sur Instagram, à moins que. Ah ouais? Ben, peut-être qu'il était là. Moi, il manquait une salle, toi, je pense. Ben, pas mal fait le tour, à moins qu'il était dans un petit coin. Je sais pas, il était peut-être pas là. Toi, que je parle au travers de mon chapeau, il me semble que j'ai vu une photo sur Instagram, stories de. Il y avait Momo, d'ailleurs, Stéphane Morissette, qui aidait ses amis de l'agence Barnac. Ah ouais? Barnac. C'est tabarnak. Non, mais bref. On le salue d'ailleurs, il nous écoute. Mais oui. Je pense que ce qui fait la force d'un festival, justement, c'est la présence des acteurs clés. Arcadia était cool parce que t'avais Nintendo qui venait avec la grosse affaire, puis Microsoft aussi. T'avais toujours ces gros joueurs-là qui étaient là, qui arrivaient avec la grosse pétarade. Moi, je me rappelle à l'Arcadia qu'on pouvait jouer à la Wii. La patente, là, la file était immense. Exact. Puis tu sais, t'avais même à l'époque le CCJVQ aussi qui était là avec une section rétro. Faisait la section. C'était pas mal cool. Tu sais, on voyait, mais bon, il manquait un peu d'exposants. Puis aujourd'hui, les exposants à Montréal, je pense que Christian tu calls cet événement-là un an à l'avance. Il va en avoir. Tu peux remplir le stade genre. Ça leur prend une nouvelle salle l'année prochaine parce que déjà celle-là, ça aurait pu être deux fois plus gros pour que le monde y ait plus de place à bouger. Puis ça, on aurait été à l'aise. Là, je te dirais, on était compacté pas mal. Des congrès. On était dans le plein. Absolument. Pourquoi pas? Mais je trouve souvent, moi, les festivals, de même, ils ont un problème d'image, surtout. Ouais. Puis, au pire, appelez-moi. Parce que je trouve que souvent, là, tu sais, t'as une affiche qui représente rien, en fait. Ouais. Puis, t'as pas assez de trucs qui attirent, en fait. Parce que, tu sais, ce qui est intéressant d'un festival, c'est ce que tu vas faire dans le festival. Puis tu sais, je dis pas que c'est mieux ailleurs. Là. Mettons que tu checkes le PAX. Là, tu sais pas encore c'est quoi le PAX si t'es PAX pas un PAX de l'extérieur, c'est flou. Juste c'est le ça, nom c'est vraiment flou. Déjà, Tu sais, mais si tu présentes c'est qui va être à l'événement, genre de dire, ben tu vas pouvoir essayer des jeux, voir ces jeux-là, voir des icônes, quelque chose. Parce que tu sais... Ben le méga, ils l'ont fait au fur et à mesure. Dans leur événement c'est Facebook. C'est ça. T'sais. Puis vu que c'était pas des gros non plus, ben, tu sais, c'était un peu. C'était un peu flou des fois. Ouais. Là, je suis dans l'événement justement, puis. Attends un peu, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a plein du monde qui parle. Mais moi, j'espère que ça va rester quand même. Là. Ouais. Parce que, tu sais, c'est important qu'il y ait des événements comme ça, mais c'est important aussi qu'ils soient marketés d'une certaine façon, d'après moi, pour attirer justement les gens qui sont pas intéressés, qui n'iront pas chercher cette information-là. Tu sais. Exact. Parce que je pense que si tu savais pas, si tu t'intéressais pas à l'existence du méga, ben justement, tu n'étais pas là. Tu sais, c'est pas venu te chercher nécessairement. Non, c'est drôle parce que moi, c'était des gens qui allaient être là qui m'invitaient. Tu sais, alors que des fois, c'est de la publicité un peu targetée. Mais moi, j'y suis allé strictement avec mon fils pour mon fils. Là, parce que je me suis dit, on va faire une sortie. C'est pas compliqué. On y va en métro. On va aller là. T'sais. Moi, tout seul, je sais pas si je serais allé. Parce que j'y trouvais peut-être pas mon compte. Mais bref, je pense que pour résumer, je pense que c'est vraiment important, surtout pour moi. Montréal, pour la scène montréalaise qui est vraiment très riche. Ben oui. Très grande d'avoir un endroit pour se rassembler tout le monde, les petits, les gros, les casual, les hardcore, les passionnés, les nouveaux venus. Tu sais, c'est important d'avoir ça pour que tout le monde soit fier puis que tout le monde puisse un peu respirer de cette énergie-là qui est vraiment unique à Montréal. Ben oui. T'sais, à Montréal, c'est un peu comme l'Eldorado où est-ce que tout le monde est comme capable un peu de réussir puis d'embarquer parce que finalement, il y a tellement une grosse scène puis il y a tellement d'entraide et tout que tout le monde est comme capable finalement de se lancer là-dedans. Comme combien de jeux qui sortent ici, ça n'a aucun sens. Il faut aller au-delà du Facebook puis de l'Internet et tout puis aller vraiment faire du face-à-face avec tout le monde. Puis un festival comme ça, je trouve que c'est une excellente initiative. Ben, vous irez l'année prochaine. Oui, c'est tellement arrivé dernière minute que le planning n'était pas fait en conséquence. Non, c'est ça. Mais il n'y aura pas de cassette là. Bon, on se fait un petit boot, là, quelque chose. Ben, il n'y avait pas de cassette avant. Non, mais tu vois, moi, j'étais à l'équitation. Il y avait une section e-sports, puis le Meltdown, ils ont fait du bar le soir. Là, je me dis, Chris, l'arcade, on aurait pu faire ça. Je ne sais même pas comment on fait. Fait qu'on peut faire une section rétro, puis Arcade Montréal peut faire du bar, là, faire des drinks, puis donner des Mario Bros au monde, puis on peut finir Ninja Gaiden. Et puis sortir le Game Genie, puis faire un speedrun de Bayou Billy, ça serait malade. Tout ça, c'est possible. Là. Je suis sûr, tu communiques avec mes gars, tu dis, je voudrais m'impliquer puis faire ça. Ils vont dire, Chris, oui. S'ils nous écoutent, ça nous intéresse. Oui. Exact. Ben oui. Fait que voilà. C'est vraiment cool. Donc, all right. C'est ça qui est ça. Ben oui, longue vie au festival. Festivals. Les festivals. Pierre Curzissou, cherchez ça. Allez voir ça. Je pense que je vais le mettre en bonus à la fin du podcast en audio. Ouais, tu devrais juste le son. Quand il y a des festivals. Faut bien que les mondes en audio aient du bonus aussi, eux autres. Yes. Oubliez, la semaine prochaine, je suis encore là à Rétro Nouveau Solo. Fait qu'oubliez pas d'écouter ça. N'oubliez pas d'écouter aussi Papa Cassette Podcast qui devrait faire un retour en nombre. Ça fait un petit bout. Ça va venir. T'es dû, man. Ah ouais, hein. Mais ouais, j'étais sous. J'étais magané vendredi passé, ça me tentait pas. Puis j'ai pas eu le temps, fait que voilà. Mais je vais y revenir, là, j'ai failli. En tout cas, il y a eu une polémique là, avec l'achat de Trou du Diable par Molson. Ouais. Puis je parle quand même de bière sur mon podcast de Papa Cassette. Fait que là, je me suis dit, Chris, faut que j'en parle. Exact. Là, comme j'ai pas eu le temps. Mais en tout cas, on verra bien. Parlez-en sous. Mais là, ce que j'ai envie de faire, là, par exemple, sérieux, on a tellement parlé de Xbox aujourd'hui. Ouais. Puis, tu sais, j'ai jamais joué à Cuphead, moi, en plus. Puis, j'ai pas accès parce qu'il est pas sur Mac ni rien. Puis, j'ai des moyens, pareil. Fait que... Black Friday. C'est Black Friday, vendredi. C'est en plein ça. Tu m'as donné l'idée pendant la pause tantôt. Je pense que je vais m'acheter une Xbox, les gars. Yeah! Oh, man! Je suis vraiment rendu là. Xbox! Bonne soirée, bon festival.